fou de spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Voilà, on apprendra comment mieux vivre notre vie avec les astuces d'assemblage puis d'autres affaires à Assemblage requis. Ma page, c'est pas l'autre. Ouais, mais je trouve pas par l'intro. Même faut pas changer. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis. Ben allô. En ce jeudi matin. Ouais. Ça commence vraiment bien, tu sais. Ben j'ai déjà vu pire, là. Non. C'est pas mal la paix pour moi à date. Hey boy. Ouais, la page, c'était comme j'attendais qu'elle défile, qu'elle arrive à bonne place. J'ai fait barre espace pour descendre, ça descendait pas aussi. Bref, bonjour. Salut Steph, ça va bien, sinon? Ben ouais, oui. Mission est commencée, ça va aller bien pour la résolution, c'est sûr. Aujourd'hui, on a personne, c'est juste toi et moi. 1h30 de remplissage jusqu'au poste d'écoute à 9h. Ah, ok. C'est pas du remplissage? Non, toi, c'est une chronique récurrente, mais... le jeudi. On est habitué de te voir. Et pas jeudi. Trop de ouais, c'est ça. Mais pas à barre trop haute, là. C'est ça, comme toi. Comme toi. À date, tu l'as vu, je la mets pas haute partout parce que j'ai complètement raté le début de l'émission. Donc, on va faire aujourd'hui la chronique Les excuses d'assemblage pour apprendre un petit peu comment mieux vivre. On va aussi s'acheter des gadgets dans 5 secondes, ça devrait répondre là. Et puis le poste d'écoute à 9h, ça va être cool. Certainement. Moi, je dis qu'on arrête de parler, qu'on écoute une autre chanson. On décante. Puis on décante, c'est ça. On écoute une nouvelle entrée du palmarès francophone par Mastic sur leur album De Sol et d'Éther. On écoute Nouveau Empire. Ça, c'est fou. C'était Mastic et la pièce Nouveau Empire, comme un jeu de mots, là, c'est nouveau. Puis ensuite, Empire, comme c'est pire que nouveau. C'est ça. Mais non, c'est pas pire que nouveau. Nouveau, mais Empire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nouveau, mais ça donne que c'est moins bien que ce qu'il y avait avant. C'est vrai. Je pense. Ouais. On va faire les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est les instructions d'assemblage, les collègues dans lesquels on se dit un petit peu comment mieux vivre, et on va commencer avec un conseil sur le stress. Steph, de baisser votre niveau de stress en faisant une chose pour vous-même. Manger de la crème glacée. Manger de la crème glacée, moi, là, c'est ça, ma technique. C'est, parce que je regarde la photo, là, puis je vois qu'il il mange, là. Moi, ouais. ça marche. Il mange sûrement quelque chose de vraiment grano, là. Mais ben, pas, non, on dirait pas. Qu'elle a de la crème glacée dans les mains. Tu penses? Puis ah, lui, il y a une roue tracteur. Je regardais son autre main, t'as bien raison. T'as bien raison. Bref, on est tous très occupés dans la vie, on a des choses à faire, on a des affaires qu'on n'a pas envie de faire dans la vie, clairement. La vaisselle. Oui, la vaisselle, la balayeuse, entre autres. Bon, donc, pour rester un peu plus sain d'esprit, c'est d'être un petit peu plus égoïste avec vous-même et prendre le temps pour faire une chose que vous aimez faire par jour. Inquiète-toi pas, je le prends. Inquiète-toi pas, mais c'est pas du fast-food, là. Quand même pas nécessairement ça. Donc, ça pourrait être de lire un livre, un extrait de livre. Ça pourrait être qu'il y en a qui aiment ça s'entraîner. Ça pourrait être manger votre nourriture préférée. Regardez un épisode de votre émission préférée. Un? Ou juste un, juste pour vous récompenser. Peut-être à la fin de la journée, peut-être le matin en vous levant, un épisode. J'en connais qui font ça, qui s'ouvrent un épisode d'une sitcom, quelque chose comme ça, de rapide pour se mettre de bonne humeur. Puis la journée part après ça. Ouais, il faut quand même que tu te lèves plus tôt. Ça, c'est sûr. Hein, qui c'est qui fait ça? Ça, c'est ma belle-sœur. Arrêtez de vous laver. Ma belle-sœur fait ça. Okay. Elle se lève le matin, elle se prépare, puis elle fait « Ah, il me reste du temps avant de partir. » Tu sais, ce genre de truc qui arrive à personne. Mm-hmm. Puis elle commence une émission, puis elle a fini qu'elle revient le soir si elle n'a pas fini. Ah, ça, je... Non. Couper une émission en deux, non, ça, je suis pas capable. Pas capable du tout. Un autre genre de matin pour vous starter un peu, là, c'est de réduire votre stress avec un matin lent, qu'on appelle. Tu sais, un petit rituel du matin, là, c'est quand même facile à instaurer. Une fois que c'est fait, une fois que tu commences ça, tu vas pas mal faire la même chose tous les jours. Oui. Donc, s'il va lentement le matin à la place d'aller rapidement, ça pourrait peut-être t'aider. Par exemple, bon, on a déjà parlé de comment de faire son lit le matin, c'est une bonne façon de démarrer la journée. Ça te force à avoir un rituel, tu les choses tout dans le même ordre. T'sais. Un moment avec toi-même. Exactement, faire mon lit, le meilleur moment de ma journée, clairement. Donc, quand tu te réveilles le matin, que tu fais tes affaires, tu devrais les faire de façon calme et relaxée. À la place de te lever 15 minutes avant de t'en aller, puis de te dépêcher, lève-toi 25-30 minutes à l'avance, fais les choses lentement, puis tu vas voir que ta journée démarre mieux, tu sais. Ben oui, pour vrai, là, rendu là de toute façon, là, 10 minutes de plus de sommeil, ça fera rien de non. plus dans ta vie. Absolument pas. On pourrait aussi commencer avec un bon café. Mais tu sais, un vrai bon café. Tu sais, le café cheap, le garde-là pour quand t'as juste besoin d'un petit remontant. Le problème avec le café, c'est que tu le fais couler. Faut qu'il attende qu'il refroidisse un peu. Faut que tu le sirotes. Ça a l'air de rien, mais c'est long. Ouais. Moi, je préfère le prendre pour apporter si j'en prends. Le prendre pour acquis. Je préfère le prendre pour acquis. Ouais, genre. Ouais. Mais les cafés, c'est pas pour rien que les machines Keurig et autres fonctionnent comme ça. C'est que le café est exactement de la bonne température quand tu le prends, quand tu sors de la machine. En tout cas, ça dépend. Là, je sais que t'as des paramètres sûrement de température là-dessus. Là. Mais il me semble qu'il est plus buvable directement dès le départ. C'est sûr qu'il est moins chaud, ouais. Mais moi, je peux pas le boire tout de suite. Pour moi, c'est trop chaud encore. Tu préfères tiède froid. Mais. Toi. Non, je le préfère chaud, mais pas brûlant. Okay. Tiède, c'est dégueulasse. Je sais pas. Moi, je sais pas, ma cafetière le fait à la température exactement buvable. Sauf mais qu'il dure 5 que... minutes, puis il est plus bon, fait que je peux pas boire le fond. Mais ça, c'est parce que la différence, c'est que chaque personne a son taux de buvable. Mm-hmm. Admettons que tu vas au Tim Hortons à tous les jours, ben ton seuil augmente. Parce qu'il est bouillant, leur café. Ouais. Littéralement, il y a des bulles. Vraiment. Ouais, non, c'est vraiment ça. Ensuite, toujours dans les instructions d'assemblage, d'ailleurs, on va y aller avec un prochain conseil qui on me dit ici de ne pas utiliser de cuillère de cuisine pour mesurer les médicaments. Pourquoi? Ben justement, quand tu dois prendre une dose, une cuillerée à thé de médicaments, ça pourrait être tentant de prendre une cuillerée à thé dans le tiroir. Ça aurait bien du sens, mais les cuillères de cuisine ont différentes grandeurs. Et utiliser ces ustensiles-là pour mesurer des médicaments, ça va donner la mauvaise dose. Ok, je pensais pas que c'était par rapport à ça. Tu penses que c'était quoi, le métal de la cuillère? Ou? Je sais pas, que ça pouvait contaminer ta bouffe. Ouais. Mais je pensais pas que c'était une question de mesure, le problème. Mais c'est vrai, c'est parce qu'en fait, je pense qu'une... Ben en fait, c'est pas une cuillère à thé, les petites cuillères. Mais je pense que ça équivaut quasiment à une cuillère à soupe. L'unité ça, d'une cuillère, qu'on appelle une cuillerée à thé, ça égale 5 millilitres. Une cuillerée à table est 3 fois plus, c'est-à-dire 15 millilitres. Donc, si t'as des cuillères à mesurer, tu vas voir que c'est pas le nombre de millilitres qu'il y a d'habitude dans ces cuillères-là. Non, c'est ça. Je te dirais que c'est un bon 15 millilitres souvent. La cuillerée à table, à thé? Ben, la petite. La petite, c'est ça. C'est comme là, c'est 5 millilitres. Non, mais la petite cuillère à dessert. Ouais. C'est pas une cuillère à thé parce que ça vaut à peu près 15 ml si tu le remplis. Ok. C'est pour ça que je dis ça. Okay. C'est pour ça qu'on a tendance, la petite, à l'autre la cuillère à thé, la grosse la cuillère à soupe. Mm. Mais on oublie que c'est vraiment une unité de mesure. C'est pas juste un instrument de cuisine. C'est pas au hasard. Là. Non, c'est ça. Mais c'est le nom qu'ils ont donné. Ça a l'air un petit peu juste d'une ustensile. Mais, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais je te dirais, vaut mieux prendre une petite cuillère pour le mesurer que de prendre une gorgée direct dans ta bouteille de sirop. Ouais, mais ça. ça, c'est évident, mais c'est un bon truc à ajouter sur la liste. Hein. On va mettre le lien sur ça. Je te dirais, tu te lèves la nuit. Ouais. J'ai tendance à le faire. Moi, mais c'est plus facile. Tu salis pas de vaisselle. C'est ça. C'est plate, faire la vaisselle, on l'a dit tantôt. Écoute, moi, je consomme mes médicaments de la même façon que je cuisine. Au feeling. Au goût. Une petite pincée de sel pour rajouter un petit truc là-dedans. Je sais que c'est pas correct. Je me fais chicaner. Bref, c'est l'étude publiée dans Pediatrics. Les parents se sont fait demander de montrer comment ils mesuraient le médicament de leur enfant sur prescription, sous prescription. Même ça a l'air de tâche très, très simple. 40% fait une erreur leur donnant la mauvaise dose. Donc, ils ont choisi une cuillerée de cuisine à la place de prendre un outil. Ouais, c'est ça. Il y a des outils faits pour ça. Par exemple, pour les plus jeunes, t'as des seringues. Ouais. Je me souviens quand j'étais petite puis que j'avais de la pénicilline. C'est avec des seringues, fait que t'es sûr d'avoir exactement la bonne quantité. Là. Ouais. C'est bien trop. C'est pas bien fait. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'ils ont passé. Tu sais, ils travaillent pas pour rien. Ils se font en quatre pour vous faire les outils. Qui ça, eux, là, les grandes compagnies pharmaceutiques. Genre. Pfizer? Michel Pfizer. Ensuite, lisez plus tous les jours en créant ce qu'on appelle les reading triggers. C'est des choses qui vont vous forcer à lire. Alors, on a tous une pile de livres qu'on s'achète une fois de temps en temps pour vrai. Ok, j'allais dire genre mange des céréales. Là, tu peux lire le dos de la boîte. Le derrière, ouais, c'est ça, le dos. Une fois de temps en temps, quand je vais magasiner sur Amazon, tu sais, pour avoir du shipping gratuit, ah, crime, ce livre-là, c'est vrai, je voulais l'acheter. Puis ça s'empile, puis je lirai pas, tu sais. C'est de même. Vous êtes tous comme ça, que ce soit des livres numériques ou dans la vraie vie, on les a payés, on se les a fait donner, peu importe. Il faut trouver une façon de lire plus. Et comme lire, c'est un petit peu comme de l'exercice. Une habitude qu'il faut développer avec le temps. Hein? Quand tu sautes une journée, comme l'entraînement, ben, tu perds ton rythme. Tu perds ta routine. Donc, pour t'aider à lire plus, on nous conseille chez Zen Habits de créer des reading triggers. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? Des incitateurs... un peu comme des déclencheurs. Là. Déclencheurs, c'est exactement le mot que je cherchais. Donc, pas besoin de chercher plus loin que ça. Cool. C'est le mot juste. Voilà. Fait que, c'est ça. Bref, votre nouvelle habitude de lecture, peut-être, vous pourriez la mettre avec différents déclencheurs pendant votre journée. Par exemple, chez Zen Habits, on nous dit que lui, il va lire après s'être étiré et avoir médité. Donc, directement, en se levant le matin, lui, à la place d'écouter une sitcom, il va se lire un bout de livre. C'est un petit peu plus classe, mettons. Ouais, mais c'est rare, d'habitude tu fais ça avant de te coucher. C'est vrai, pour te calmer le cerveau puis t'endormir. Et pourtant, on devrait pas faire ça. Non? On devrait, peut-être oui, mais pas dans le lit. Mm-hmm. Ils disent vraiment qu'il faudrait pas lire dans le lit. Parce qu'on fait des mauvaises associations. Ah, je comprends. Ouais. Puis sûrement aussi, si tu lis des livres électroniques en plus sur ton iPad ou peu importe, tes yeux se fatiguent dans le lit avec la noirceur. Supposément qu'avec les liseuses, la luminosité est faite pour que ça soit correct. Là, donc supposé. J'imagine que l'idée, c'est d'avoir une liseuse. Tout ce qui est encre électronique, sachez-le, là, c'est pas des écrans LCD, donc de l'encre électronique. C'est l'affaire qu'il faut qu'il actualise, puis ça fait un écran noir en chaque affaire. Comme des diapositives. Ah, ça doit être agréable. Ben, non. Mais c'est mieux de même. Fait que, oui. Ben, c'est ça. Ensuite, donc, c'est ça, on est en train de parler de livres. Autre affaire qu'on pourrait faire, par exemple, c'est lire hors déjeunant. Même si j'ai vraiment entendu dire que lire pendant que tu manges, c'est pas une bonne idée. Fait que des fois, faut pas tout écouter. Là, non, c'est ça. Puis il y a des affaires qui sont des conseils de grand-mère aussi. Et comment déterminer qu'est-ce qui est un conseil de grand-mère et qu'est-ce qui est un vrai conseil? T'sais? Parce que souvent, non, mais c'est ça, si tu lis en mangeant, tu te rends pas compte de ce que tu manges. On devrait rien faire d'autre en mangeant. C'est manger, c'est une activité à. À part entière. À part entière, voilà, bien dit. Le reste, c'est conseil crime. On a compris le principe, tu sais. Ils ont oublié le déclencheur le plus évident. Quoi? Quand tu vas à la salle de bain. Mène-toi un livre. C'est vrai, ça. C'est vrai? C'est tu vois? Plus évident. Et, en théorie, si tu y vas à chaque jour, tu vas lire à chaque jour. C'est ça. C'est tu lis un crapit par jour. Si tu vois que ta lecture avance pas vite, pense à changer ton alimentation. Peut-être que t'es pourri. T'es en manque de fibres. Bon. Ensuite, tiens, on nous parle de se fabriquer un oreiller à télécommande de télé. Hein? Télécommande comme une télécommande de télé. Comme dans la commande de ta télé. Ouais, non, mais non, pas une télécommande, mettons, je sais pas. Un cours à distance, un produit sur Boutique TVA que tu t'es télécommandé. Je sais pas. Ok, sais. Ouais. Mais pour ne plus jamais perdre ta télécommande, voilà. Donc, tu sais que tu mets ta télécommande sur le divan, sur la table, à côté, peu importe, et par un addon total, tu finis par la perdre. Soit entre les coussins, entre les... Tu sais, peu importe. Dans les plis du chat. C'est exactement ça, dans les plis de ton chum, je sais pas, là, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est un oreiller qu'on fabrique soi-même qui va vous aider à installer votre télécommande dans votre oreiller pour ne plus jamais la perdre. Donc, tu vas évidemment enlever le recouvrement de ton coussin, tu vas prendre quelques... Et là, ça, c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. Raconter comme ça à la radio, il y a une petite vidéo pour l'expliquer, hein. Mais c'est que tu vas allonger les... dans le fond, c'est que tu vas faire une petite fente dans l'oreiller pour placer la télécommande à l'intérieur. Tu vas faire des extensions de boutons, là. C'est un truc électronique quand même qu'il faut, il faut connaître un petit peu ça. Et tu vas ensuite envelopper la télécommande dans quelque chose d'isolant pour empêcher les feux qu'il pourrait y avoir. Mettons, ça pourrait arriver, ça. Et donc, les feux de télécommande? Ben, j'imagine que c'est... peut-être que si le feu pognait dans ta maison, ça prendrait dans ton coussin, puis étant donné qu'il y a du truc électronique, ça ferait comme plus encore d'explosion. Je sais pas comment ça... Quoi. Mais bref. Et tu vas replacer l'oreiller dans sa couverture, et puis tu vas passer les fils, les sections de fils, à travers ton coussin pour pouvoir les utiliser. Donc, ton coussin devient une télécommande. C'est vraiment bizarre. C'est un peu particulier, mais la vidéo vous explique comment faire. C'est une petite vidéo de 6 minutes environ. Mais ça parle vraiment, oui, c'est vraiment un truc électronique. Donc les fils sont allongés. Ta télécommande est dans le coussin. Et les extensions de fils vont aller travers le coussin. Puis t'as des boutons sur ton coussin. Mais ça peut faire jaser c'est sûr. La visite, hein? C'est un gros projet de fin de semaine. C'est des fois, il y en a qui cherchent un petit projet à faire pendant la fin de semaine de bricolage. Ça pourrait être pour vous. Donc allez voir sur assemblagerequis.com pour la petite vidéo. Ensuite, conseil, on redescend d'un cran. On est allé au cran hacker électronique, quelqu'un qui a vraiment des connaissances en soudure pour la faire comme ça. On redescend complètement au niveau de la base, et c'est de laisser une carte d'affaires dans ton manteau pour t'assurer de te le faire renvoyer si jamais tu le perds dans un bar ou quelqu'un te le vole. Il y a une carte d'affaires, tu sais. Faut que tu sois... Oui, c'est sûr. Ou sinon une napkin avec Sharpie dessus écrit ton nom, là, mais bon. Mais non, tu sais, comme avec les enfants maternels, là, t'écris ouais. leur nom et le numéro de téléphone sur l'étiquette, là. Ouais. C'est ouais. idéal. Fait que si tu passes tes bobettes aussi, tu fais la même affaire, c'est ça. Ah ouais? T'écris ton nom. Il y a des Sharpies juste pour les sous-vêtements, mais pour les vêtements. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai, juste. Bon. Bref, donc si tu mets ton manteau dans un bar, un restaurant ou une conférence ou au 10-12 ou peu importe, le vestiaire de la chasse-galerie ici, c'est le fouillis total. Ça se pourrait que tu perdes ton manteau, ça se pourrait que tu retournes chez vous ben sous puis tu te rappelles plus, puis là, ben, quelqu'un prenne ton manteau à la fin de la soirée pour s'en aller parce qu'il n'y en avait plus ou je sais pas quoi. Peu importe, ça peut arriver. Donc, une situation qui ne va pas garantir le retour de votre manteau, mais quand même va au moins donner une chance de plus. C'est sûr. Si la personne a beau être honnête, voyons, si elle a beau être honnête, ouais. Si elle sait pas où l'envoyer, ben... Ben, c'est ça. Ou peut-être que t'as un manteau similaire à quelqu'un d'autre. C'est peut-être même un hasard total que la personne est partie avec. Il pensait que c'était son manteau, retourner chez eux, puis il ne réalisera pas tout de suite. Là, ça a l'air niaiseux, mais au gym, ça arrive souvent. Je mets mes bottes dans le vestiaire et il y a une fille qui a exactement les mêmes bottes que moi, mais dans une autre grandeur. Mais ça pourrait arriver, tu sais. Ben, peut-être pas elle, parce qu'elle s'en rendrait peut-être plus compte s'ils sont trop petits, mais je pourrais prendre ses bottes par inadvertance. Mm-hmm. Tu sais, un moment d'inattention, puis... T'sais, puis l'alcool excuse bien des affaires aussi. Là, mais c'est rare que je suis solo au gym. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est pas impossible. Parle pas contre les gens qui sont solo au gym, c'est le public cible. Mais... mais ça m'arrive moins souvent depuis ma mormonitude. Depuis que t'es mormone, ouais, ben les affaires ont changé. Je me suis calmée, je me suis calmée. Maintenant, tiens, parlant de mormonisme, je pense que vous n'avez pas le droit de travailler, quelque chose comme ça, pendant une période X, avant ou après que vous êtes devenu mormone. Je pense qu'il y a un lien avec ça. Je suis pas sûr de ce que j'avance, en tout cas. Mais je pense que oui, je pense que c'est pour une affaire de carême. C'est un peu plus un peu c'est du carême. C'est la Pentecôte, puis le carême, j'ai mélangé tout. Mais bref, essaie de vivre sur ton chômage. Et là, je parle pas de vivre sur... Genre, je te dis pas démissionne de ton emploi, mets-toi sur le chômage, puis apprends à vivre sur ton chômage. Non, non. Je te dis... Vis sur le salaire que t'aurais sur le chômage pour te préparer pour une perte d'emploi éventuelle. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il peut pas t'endetter, genre. Pour pas t'endetter. Admettons que t'es déjà sur le chômage, mettons. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'endettes. Okay. C'est ça. Tu te trouves. Ouais, je sais pas. Tu trouves des sidelines, tu trouves des jobs au noir. Je sais pas ce que tu fais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Tu vends ton corps. Comment? Tu vends ton corps. Tu vends ton corps. C'est ça, encore. Tu vends encore ton corps pour la science. Vends-toi un rein, vends un rein. Tu veux que je me vende un rein? À toi-même. Appelle-toi. Hey, je vends un rein. Hey, je l'accepte. Allô? Bref, il n'y a pas grand-chose de plus stressant que perdre un emploi. Et si t'as peur de te faire renvoyer éventuellement parce que c'est dans les cartes, peut-être qu'il y a des compressions budgétaires dans ta compagnie, on te dit t'es safe ou pour l'instant. Ou que t'es à chier. T'es vraiment, vraiment pas bon à ton emploi. Tu dois donc te mériter un petit peu d'argent d'urgence, peut-être. Donc, pour te préparer, ce que tu peux faire, on te dit chez credit.com, c'est d'évidemment vivre sur ton argent de chômage et de mettre le reste de l'argent, la différence entre les deux, dans un compte d'économie. C'est ce que j'en comprends dans cet article-là. Il y a plus de détails que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com, mais je pense que le conseil en général est quand même bien. Mais je trouve que ça reste beaucoup. Ouais. De coupures. Oui, c'est une grande marge. Parce qu'on s'entend, le chômage, c'est quoi? C'est 55%? Là? Genre. Mettons, on peut-tu se dire 75-80? Ouais, vas-y graduellement peut-être, hein? Parce qu'à un moment donné, t'es pas obligé de... De souffrir, exact. Mais peut-être qu'à chaque mois, tu pourrais descendre de 5%, quelque chose comme ça. Si tu vas graduellement, ça paraît toujours moins. Ouais, mais 55, ça reste bon, que ouais. Tu profites pas non plus de ce que tu gagnes. Non, sauf que vu que tu mets ton argent de côté puis c'est pas garanti que tu vas perdre ton emploi, peut-être que plus tard tu vas avoir un gros bundle d'argent pour te récompenser si ton ouais. argent finalement reste. Mais à 75% aussi, tu t'en mets de côté en masse. On a tous les deux raisons là-dessus. Tu serais même pas capable à 55, tu serais même pas capable à 75. Tu es folle. Je suis pas capable de partir. Et je le vis. Et je sais que je suis pas capable. Je comprends ça. C'est ça. Ensuite, tiens, augmentez vos chances d'avoir de la chance dans la vie. Augmentez vos chances d'avoir de la chance en devenant une personne plus mémorable. Ça a l'air bizarre comme conseil dit comme ça, mais si tu vois que tes amis ont peut-être de la chance dans leur carrière, et là, tu sais, là, évidemment, à chaque fois que je parle de chance, les lignes ne dérougissent plus, et là, on me dit « Je n'ai pas de chance! Je crée ma propre destinée! » Tu sais, les gens croient pas à la chance. Ouais, je sais. Mais il y a des gens de même. Ça veut pas dire qu'ils me tapent pas ses nerfs. C'est une expression. Ouais, je sais, mais j'entends beaucoup trop souvent ça. La chance, le hasard... À mon avis, personnel existe en masse. Mais bon. Des fois, tu peux créer ta chance dans ta carrière, dans ta vie personnelle. Chez Lifehacker, donc, on nous explique via un article de Awkward Human qu'on attribue souvent la chance, qu'on attribue souvent des situations opportunistes à la chance. Rencontrer la bonne personne au bon moment, connecter avec eux pour avoir un emploi, un rendez-vous galant, mais en réalité, c'est que cette personne-là avait peut-être des aptitudes. Des aptitudes de confiance en elle, d'approche des gens. Était donc une personne plus facile à côtoyer. Et quand t'es plus facile à côtoyer, t'as plus de contacts. Puis quand t'as plus de contacts, t'as plus de chances d'avoir une job ou un rendez-vous galant. Voilà. Donc c'est à peu près. C'est sûr que si tu restes enfermé chez vous. Puis que t'es pas parlable, puis que t'es tout le temps en travail. Tu sors pas, tu parles jamais à personne. Exactement. Donc être une personne mémorable, ça vous aidera pas à gagner à la loterie ou au casino, mais ça pourrait vous donner des bonnes situations, des opportunités, comme on l'appelle. Ensuite, on a parlé de stress en début de chronique. Pour relâcher le stress, relaxez moins que vous voulez relaxer. Encore, les titres ouais. d'articles, ouais, je sais, les titres d'articles sont souvent incompréhensibles. Il faut creuser un petit peu plus profond. Donc, allons-y. Ça peut être difficile de relaxer sans stresser plus. Parce que trop de relaxation pourrait faire que tu vas commencer à penser à des choses auxquelles tu ne travailles pas en ce moment. Donc, tu relaxes ouais, et ton ouais, cerveau comprends. Se met à penser à ta job ou à des affaires que tu vas avoir à faire. Puis là, tu te sens coupable. Ah, je suis en train de relaxer, mais peut-être que je devrais travailler sur l'affaire que je suis supposé faire. On se comprend là-dedans. Ouais, donc, ouais. À la place, relaxer un petit peu moins que tu planifiais. Ça, en fait, là, on parle de moins en termes de temps. De temps, de durée. Et non de, temps. De profondeur de relaxation. C'est ça, la profondeur peut être aussi profonde que tu en as envie qu'elle le soit. Je pense même que tu peux aller encore plus profond parce que plus tu vas profond, moins tu penses à la job. Ça dépend? Ça dépend. Si tu dors, tu peux y rêver sans le vouloir. Ça, c'est vrai, t'as pas de contrôle. Fait que dors pas. Mais. Presque. Presque. Puis c'est sûr que si tu lis des livres, mettons, tu veux relaxer en lisant des livres, mais tu lis des livres sur comment avancer les états financiers de ta compagnie, ou peu importe, mettons, c'est ça. Ben là, si ça te détend, c'est parce que t'as pas de vie. T'as un problème. T'as pas de vie, c'est ça. Puis les gens qui ont pas de vie, tu sais, hein, on en connaît tous, puis ça avance pas à grand-chose dans la vie, ça. Bref, on disait, par exemple, que si tu prévoyais prendre une journée de congé au complet, ben peut-être finir ta pause plus tôt, prendre une heure ou deux pour peut-être avancer un autre projet que t'as envie de faire, un petit projet de fin de semaine, peut-être changer ton coussin en télécommande à fil ou autre chose, n'importe quoi d'autre sauf ça. Le plus pertinent. Peut-être. peut-être faire quelque chose sur ta liste de choses à accomplir avant ta mort. T'sais. Donc tu vas pouvoir relaxer plus et peut-être faire du meilleur travail dans les prochains jours parce que tu vas vraiment avoir rechargé tes batteries. Voilà. Façon de relaxer, mais moins. C'est pas fou, je trouve. Ça a du sens, tu sais. Cette chronique-là, il y a belles affaires qui ont du sens. C'est juste, est-ce qu'on va les faire, t'sais. C'est ça. Ensuite, on parle de choses à faire, une liste à cocher. Priorisez vos choses à faire avec des notes autocollantes, donc des post-it, et du ruban adhésif ou du masking tape. Hein? Donc, c'est encore une petite vidéo qui nous est expliquée sur Lifehacker. C'est de prioriser vos choses à faire. C'est une chose, c'est en soi-même une tâche importante de prioriser ces choses importantes à faire. T'sais. Ça paraît pas, mais il y a un ordre à ça. Ouais, ouais. C'est le Eisenhower Decision Matrix, la matrice de décision de Eisenhower. Vous connaissez peut-être le nom d'un ancien président des États-Unis. C'est Chris S. Penn. Chris Sesh-Pen, probablement son... Sesh-Pen? Non. Chris S. Penn, qui a pris l'idée et qui l'a amené à un autre niveau en faisant une grille sur le mur derrière lui au travail. Donc, il a placé des sticky notes, des post-it pour ses choses à faire avec du masking tape pour tout garder en place en tableau. Donc, Chris décrit la situation dans la petite vidéo. Si vous êtes déjà habitué par la méthode de Eisenhower, vous allez savoir un petit peu comment ça fonctionne. Mais les tâches importantes qui sont aussi urgentes. Donc, importantes et urgentes, ça va en haut à gauche. Les choses importantes à ta vie, mais qui sont moins urgentes, elles vont aller, qui doivent dans le fond, qui n'ont pas à être faites tout de suite, vont aller en haut à droite. Les choses moins importantes, mais urgentes, mais moins importantes pour toi, tu comprends ce que je veux dire, sont en bas à gauche, donc c'est pas critique, mais ils ont une limite temporelle. Faut que tu les fasses bientôt. Donc elles sont en bas à gauche. Et les tâches qui sont ni importantes ni urgentes, mais que tu vas devoir faire un jour, donc c'est sur le rond en arrière, comme on dit, ça va aller en bas. Ah, là, je pense que je me suis mêlé. Ah, ça, c'est en bas à gauche. Mais bref, l'important, c'est de se faire un système clair. C'est ça, la place est pas super importante, là. Fait que dans le fond, c'est de pas juste faire une liste, mais de pouvoir classer en ordre de priorité, mais que c'est pas juste... La priorité peut être différente selon chaque... T'as ta priorité à toi et la priorité de ce qu'on s'attend à ce que tu fasses. De temporel, ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est pas fou. Et lui, il utilise des post-it pour le faire. Ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Ça pourrait être un tableau blanc avec du marqueur. Ça peut être... N'importe quelle façon est bonne. Juste d'avoir des cadrans, dans le fond, des quatre carrés. C'est la beauté de cette façon-là. Et est-ce qu'on peut les faire ronds? Tu peux les faire ronds. Tu peux faire peut-être même des diagrammes de Venn. Où les ronds s'insèrent les uns dans les autres avec une partie dans le milieu qui est... J'imagine que tu peux faire plein d'affaires, mais l'idée, c'est d'avoir plusieurs catégories et utiliser du masking tape et des post-it, c'est que c'est facile à changer de place, le cas échéant. Voilà. Ensuite, tiens, utilisez une technique de respiration profonde pour vous calmer. Je pense que le stress est un sujet récurrent dans cette chronique-là aujourd'hui, mais la façon de respirer peut avoir un impact significatif sur votre santé émotionnelle et sur votre santé physique. Si vous arrivez dans une situation à stress élevé et que vous voulez vous calmer, cette technique-là peut vous aider à focusser sur votre respiration tout en vous distrayant des problèmes autour de vous. C'est le blog de trucs de santé helpguide.org qui nous explique que respirer à partir de votre diaphragme est une bonne façon de baisser votre niveau de stress et de respirer de façon efficace. Ça nous disait comment le faire dans l'article sur assemblagerequis.com. Étape 1. S'asseoir confortablement avec le dos bien droit. Mettre une main sur la poitrine et l'autre sur l'estomac. Ok? Pas sur la tête en faisant des tapes puis ronds sur le ventre. C'est pas ça qu'on fait. Ensuite, on inspire par le nez. La main sur l'estomac devrait monter parce que ça montre que tu... et là, tu la montes pas toi-même. Elle devrait monter parce que tu utilises ton diaphragme. Et la main sur la poitrine devrait bouger très très peu. Mais là, bougez pas vos mains! Étape 3. Expirer par la bouche. J'avais l'air autoritaire en disant ça. Non, t'as pas l'air autoritaire du tout. Rarement, j'ai l'air mou et que c'est pas trop où il semble. Donc, repousser l'air, expirer par votre bouche en poussant autant d'air que possible tout en faisant une contraction de votre muscle abdominal, de vos muscles abdominaux, bien sûr. La main sur votre estomac devrait bouger alors que vous expirez, mais l'autre main devrait bouger très très peu. Celle sur, encore une fois, c'était sur la poitrine. Ensuite, on nous dit de continuer de respirer, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et on essaie d'inspirer assez pour que l'abdomen, le bas de l'abdomen, monte et redescende. Et on va compter tranquillement alors qu'on expire. Donc, se donner un indicateur physique à savoir si l'estomac et si la poitrine bouge, ça va vous aider à réaliser quelle partie vous utilisez pour respirer. J'ai déjà lu ça, cette technique-là. Puis je l'ai-tu expliqué correctement? Oui, je pense que oui. Good. Est-ce que j'ai de la misère à articuler? J'ai le nez bouché. Ah, j'ai aussi le nez bouché. Est-ce qu'on s'échange nos nez pour qu'ils soient autant bouchés, mais pour vivre dans la vie de l'autre? C'est comme s'échanger les souliers. Faut pas avoir l'air bizarre? Peut-être un peu. Je sais pas. On essaiera pendant... Pas super utile. Pas super utile. Moi, j'ai envie de continuer parce qu'on est bien parti. Ben, moi, il faudrait que j'aille me moucher. Fait que... Fait qu'on en fait un dernier. Je t'annonce ça. Puis on va tous moucher ensemble pendant le prochain. Oh, ça va être beau. OK. Dernier. Si vous êtes pris sur un problème, poussez pendant 15 minutes. De où? technique de respiration profonde. Non, mais c'est pas bon, ça. Non? Non. OK. Donc, ben, c'est ça. C'est dangereux pour hyperventiler. Ah, OK, OK. Quand même que t'en sais des choses en tant que mormone. Donc, quand t'es pris sur un problème, sur un sujet, tu pourrais peut-être penser que tu devrais passer le plus de temps sur ton problème jusqu'à temps que tu le règles. Mais non, malheureusement, tu viens de perdre quelques heures et t'as pas avancé parce que tu sais pas ce que tu fais, t'sais. Donc, la prochaine fois, si t'es pris et que tu arrives presque à l'abandon, passe 15 minutes max de plus dessus et ensuite demande de l'aide. C'est le conseil qu'on nous donne. Hey non, tu vas te coucher, Camille, ouais. Pour te conseiller. Tu dors là-dessus, bien raison. Donc, pendant ces 15 minutes-là, tu écris tout ce que tu fais. Et ça, c'est une chose que j'ai, avant même de lire l'article, parce que je l'ai pas lu. Mais je suis dans des problèmes en ce moment d'ordinateur, c'est bon. Et j'ai commencé à prendre des notes sur les étapes. Et là, ça a foiré, comme tout a tendance à foirer quand tu utilises Microsoft Windows. Et maintenant, je sais à quelle étape ça a foiré. Donc, je vais le faire dans une autre... Ah, ben oui. Dans un autre ordre. Et maintenant, je sais comment le faire la prochaine fois. Voilà. J'ai pas cherché de l'aide, comme on me dit dans le conseil, mais de prendre en note les étapes que tu fais pour voir le problème, ça aide tout le temps. Mais aller chercher de l'aide, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, après avoir essayé... Parce que c'est ça, là, les gens vont des fois aller chercher de l'aide avant même de au moins essayer le système D, t'sais. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, Google est ton ami... Bing est ton ennemi parce que c'est un produit Microsoft. Mais Google est ton ami. Bing. Bing. Tu te remontes ça par erreur. Hey, c'est bingant, hein, maudit, là. Tu sais, mettons, c'est comme. Ça pourrait être un verbe négatif dans la vie. Et bing, ça me fait chier, ça. C'est pas un verbe, ça. Quoi, ça? Bing. Ouais. Non, c'est pas mais ça peut être un adverbe, un adjectif, un verbe. OK. Ça peut être tout. C'est comme okay. Je trouve fin, ça. OK, excuse. Mais c'est négatif, par exemple. Ouais. Parce que je trouve fin, c'est cool. Bingant. C'est mais je trouve fort, ça peut être négatif aussi. T'as raison, c'est bon à toutes les sauces. Ben oui. T'as raison tout le temps. Marinara. Marinara, nouveau prénom pour 2016. Salut Marinara Paradis. Voilà, c'est tout pour les instructions d'assemblage. Moi, j'ai l'impression d'avoir appris des affaires, tu sais. Ouais, c'est ça l'important. C'est ça, d'avoir l'impression d'avoir appris des affaires. C'est ça le résumé de la chose. On se prend la pause et au retour, on va avoir plus de chroniques par nous-mêmes. On va se faire un petit peu de ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a dans quelques instants à Assemblage Rock. Fou de passion. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est Assemblage Requiem ce jeudi 5 mars 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Oh, en effet. Dans quelques instants, on va acheter des choses sur Internet. On aime ça. On est allé se moucher. Fait qu'on est... On est prêt pour... donc, c'est dans quelques moments, mais avant ça, on écoute une pièce de Brave Shores. Voici World Beneath the Sea. Assemblage Requiem. Travel to the deep. Brave Shores et World Beneath the Sea à Assemblage Rock. Ah, oh, c'est bon. Ah, mais ça, faut l'entendre le plus souvent possible, c'est bon. Ça nous amène à parler de gadgets ridicules et inutiles, la plupart à acheter sur Internet. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, on va dépenser notre argent sur des sites internet qui se retrouvent sur assemblagerequis.com. On commence avec une boîte à lunch. Tu sais, des fois, nous autres, en ce moment, c'est fou, on n'a pas de frigidaire, on n'a pas de réfrigérateur pour garder nos affaires au froid. Ça, c'est plat. C'est plate un peu, sauf que c'est facile de traîner un ice pack. Comme simple, mettons. Ouais. Mais de l'autre côté, si tu veux garder ton repas chaud, et que t'as pas de place, t'as pas de micro-ondes pour le faire chauffer. Un thermos? Moi, mais mettons, t'es pas assez débrouillard pour t'acheter un thermos. mais t'as beaucoup d'argent à dépenser sur une boîte à lunch. C'est une boîte à lunch chauffante, t'as USB. Tu pourrais brancher ça sur ton ordinateur à journée longue, oh, sur le dîner. Ouais. Pour 60$. Oui, pour un repas gourmet, bien chaud au bureau, en amenant ta boîte à lunch USB. Cool, mais c'est là. Beau, en tout cas. Ouais, c'est une belle petite affaire, mais c'est tout petit par contre. Vraiment. Mais je me demande si ça reste vraiment. Tu sais, si t'as quelque chose de croustillant, est-ce que ça reste croustillant? Ouais, il y a peut-être des dangers de feu. aussi. Mais c'est ça, faut pas que tu le mettes dans le coussin avec ta télécommande. C'est ça, oui, oui, référence à une chronique précédente. Ensuite, on a déjà parlé de ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis là-dedans. Alors, si vous avez le plus grand sous-vêtement du monde. Où trois personnes peuvent entrer, c'est. Comme c'est utile. C'est très. Ben, c'est ça, ben, c'est le but de la chronique, hein. 100 pouces de taille. 254 cm, les plus gros sous-vêtements du monde. C'est Archie McPhee qui vend ça pour 23$ américains ou 29$ canadiens. Mais là, quand on dit trois personnes, c'est trois canadiens? Trois au canadien moyen. Puis un américain et demi. Oui. Peu importe si c'est un afro-américain ou tout fit là-dedans. Je sais pas combien de bébés on pourrait mettre, combien de personnes âgées. Aucune spécification là-dessus. C'est plat. C'est un peu plat, hein? Ah, c'est... Non. Ça pourrait être plus précis. Ça manque d'informations, oh, un peu, là, vraiment. Ensuite, pour les... Parce que ils rentrent, on sait que les roues rentrent. Les roues rentrent, ah, ok, parfait. Il y a une photo de roue. Parfait, on sait pas pour le reste, on verra. On va faire les tests, on va commander ça. C'est un beau roue. Un beau roue? Ouais, c'est un beau roue. The roue is on fire. C'est ça? Ils sont tout le temps on fire. Pour les intrus potentiels qui pourraient entrer dans votre domicile fixe... Ah, parce que les mobilos, ça marche pas? Ben, eux autres, ils vont sûrement trouver une façon de rentrer pareil, parce qu'ils sont bien, bien débrouillards. C'est tellement des préjugés qui sont genre des voleurs de la gang. C'est faux, c'est pas vrai, ça. Voyons donc. On vient de montrer notre appréciation pour les roues, et ensuite, on vient de juger complètement les gens qui habitent dans des maisons mobiles. Faut se brancher. Est-ce qu'on est pour la différence ou contre la différence? Tu peux pas dire « on » là-dessus. Je. T'as Moi, raison. C'était les roues. C'est vrai, ça. Donc, pour les potentiels intrus qui pourraient entrer potentiellement dans votre domicile fixe potentiel, c'est une fausse télé pour donner l'impression que vous êtes à la maison et que vous regardez la télé, mais sans dépenser l'électricité que la télé prendrait. Okay. Ça, c'est important, parce que laisser la télé ouverte à la maison, ça va peut-être empêcher les voleurs, mais check ton compte d'électricité monté, par exemple. Et puis, c'est pas juste une question de compte d'électricité. C'est une question de... C'est pas bon de dépenser autant d'électricité pour rien, là, ça. Ça dépense tant d'électricité que ça? Ben, j'imagine pour une télé HD... grand format, plus qu'une TV 32 pouces cathodique. Aucune idée. Aucune mais idée je non sais plus. Pas, j'aurais tendance à croire que ça dépense moins qu'une cathodique. Sûrement, c'est tout dans Energy Star. Ouais, tout ça. C'est ça. J'avoue. T'as raison. Mais bon, bref, quand même, on peut pas nier que ce gadget-là va prendre moins d'électricité et va être meilleur pour l'environnement. Ça, je pense que c'est indéniable. C'est pas dur, ça. C'est pas très, très dur. Donc, c'est la fake TV FTV 11 Extra Bright Burglar Deterrent. Ça, c'est sûr qu'une équipe a nommé ce produit-là... en donnant chacun un mot. OK, ben elle est fausse, donc fake. C'est une TV, ça va être TV. 11 parce qu'elle fait 11 pouces, je sais pas, j'imagine. Ou peut-être 11 lumières, aucune idée. Donc c'est un petit appareil rempli de lumières LED qui vont imiter les luminosités, les fade-in, fade-out d'une télé normale, mais vue à travers un rideau. Ah ben là... T'sais? Donc si tes rideaux sont fermés, ça va juste donner une impression de mouvement de télé, mais sans être une télé, c'est juste des grosses lumières. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais faut que tes rideaux soient fermés. Ben, c'est pour quand t'es pas chez vous. Quand t'es pas chez vous, tu fermes tes rideaux, j'espère. Ben pas dans le jour. Non? Ben non. Ah, mais toi, t'es au rez-de-chaussée, mais les gens peuvent voir ta TV à ce temps-là. Mais pis ça! Pis ça, t'es assuré au moins, c'est ça? Ouais, mais c'est parce qu'on s'entend-tu que la lumière du jour, c'est bon pour l'environnement de l'appartement, t'sais? C'est sûr, mais pour vrai, moi, je laisse mes stores fermés parce que je veux pas que les gens voient qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Ah non, moi, revenir chez nous pis qu'il fasse noir, là, ça me déprime. Je peux comprendre. Pis les chats peuvent pas se faire griller. C'est vrai. Mais mais il peut aller en dessous du rideau à sa fenêtre. En tout cas, bref, on s'embarque dans un débat. Mais c'est ça, on peut brancher cet appareil-là sur un Wemo Switch ou autre truc qui va allumer et éteindre ça à une longueur de distance de temps naturelle, comme si vous étiez vraiment à la maison. Et donc, Hammacher Schlemmer qui offre cet appareil-là. En fait, il y a une nouvelle version, là, récemment, de Hammacher Schlemmer qui s'appelle Discouraging Television Mimic, qui mesure 4,25 pouces par 3,25 par 2,75, avec un timer intégré qu'on peut opérer manuellement pour s'allumer au lever du soleil et rester allumé pendant 2, 4, 6 heures. C'est ça. Et puis ce modèle-là peut s'asseoir sur une table ou sur un bord de fenêtre. On peut même le monter sur le mur en utilisant le petit trou ou du ruban adhésif spécial. Ah, ça va être beau. Ben, j'imagine. Donc, c'est disponible en précommande pour 50$. On s'attend à ce que... Ben, en fait, ça devrait déjà être envoyé en magasin. Pas en magasin, mais sur la boutique hammackerschlemmer.com. Et au montant, est-ce qu'il y a le montant? Pourquoi est-ce qu'on m'envoie vers une... C'est quoi, c'est une pub, ça? C'est quoi, cette histoire-là, ça? Il y a pas le prix, là? Je veux le prix. J'ai commencé à en parler, il faut que je le dise. Donc, c'est 50$. 50$. La nouvelle version, la plus récente, la Intruder Discouraging Television Mimic. Je trouve ça cher. Ouais, c'est quand même cher, ouais. Ouais. Prends une meilleure assurance. Prends 50$, puis augmente tes assurances. Ensuite, une façon d'automatiser vos stars, tu sais, les stars horizontaux, comme on a en studio ici, donc on pourrait s'en servir potentiellement, c'est pour télécommander vos rideaux avec Shutter Ease, pas un rideau star, faut pas mélanger les deux mots, là. Donc, c'est ça, c'est une façon de les automatiser, c'est une campagne sur Kickstarter qui a eu du succès, donc Shutter Ease est en train d'être produit en ce moment. Est-ce que c'est inspiré de Timmy dans La Petite Vie? Ah, je sais pas, il y avait ça. Il s'était fait un remote pour ses rideaux. Ah, ben c'est quand même un visionnaire. Mais souvent, ça explose. Ben, c'est plus divertissant quand même. si l'émission avait juste eu du succès dans ses inventions, ça aurait été plate en maudit. Ben, il était pas un bon pitonneux patenteux. Donc, Shutter Ease qui vous demande de monter l'unité à batterie 2A au cadrage de votre fenêtre et attacher un clip au truc du rideau que vous voulez contrôler. Le petit gadget qui fait monter et descendre et puis tourner. Donc, on peut ensuite utiliser une application sur téléphone intelligent pour contrôler vos stars manuellement. Vous programmez l'ouverture et la fermeture avec un horaire. Et si vous préférez, vous pouvez acheter une télécommande à ondes à fréquence radio pour contrôler manuellement le rideau. Mais vous n'allez pas pouvoir les programmer par les ondes radio. Il n'y a pas de prix encore sur le site de Shutter Ease, mais on peut s'attendre à payer un petit peu plus que le prix sur Kickstarter qui était de 190$ pour un kit de démarrage, un ensemble pour 4 stars. Et on peut laisser son nom sur le site web pour être sur la liste pour savoir quand ça va sortir. Mais ça peut être pratique. Oui. Parce que des fois, tu sors, tu restes plus longtemps sorti que prévu de chez vous. Ben, t'as pas besoin de penser à ça. Oh non, tout le monde va voir chez nous ma TV, hein, Mathieu. On dirait que t'imites quelqu'un que je connais, là. Ouais. Ensuite, ça, c'est vraiment particulier. C'est des bijoux mexicains qui sont vivants. Hein? Ouais, c'est apparemment un insecte qu'on peut acheter. Ah, ça m'écœure. Ben, excuse-moi. Donc, c'est un insecte qui va vivre dans un bijou décoré de choses brillantes. Il y avait quelqu'un qui vendait ça au Yucatan. C'est un endroit, ça, apparemment. Donc, moi, je connaissais pas ça. Et on peut... je sais pas si on peut les commander sur Internet, mais je trouvais ça quand même drôle d'en parler. C'est des insectes qu'on porte comme boucle d'oreille. C'est vraiment bizarre. Savais-tu qu'il y a un monsieur qui fait des bijoux en crotte d'orignaux? Arc! Il fait sécher des petites crottes, là, comme ovales. OK. Il fait sécher, puis il fait plein de bijoux avec ça. Mais c'est magnifique, hein? Magnifique. Chacun ses passe-temps. Ben voilà. Ensuite... c'est le Breathometer Mint qui vous laisse savoir quand vous avez une mauvaise haleine. L'hygiène orale, ou l'hygiène orale, buccale. Ouais, ça dit mieux. Non, t'as raison. Donc, on devrait pas ignorer ça. Et la plupart du temps, je suis en train de demander si j'ai bonne haleine ou mauvaise haleine. Donc, c'est une bonne chose quand même. Faut être quand même conscient de son odeur. Ben, si tu te poses pas la question, c'est que tu t'en sacs et tu sens probablement mauvais. C'est plat. Probablement. Donc, se brosser, évidemment, passer à son dentaire, gargariser, peu importe ce que vous le faites peut-être très bien, vous le faites peut-être assez longtemps aussi, mais une bonne façon de savoir si vous avez de bonne haleine ou pas, c'est la Breathometer Mint. C'est un système, un moniteur de santé buccale, si on veut, qui va surveiller votre hydratation en général, donc de votre bouche, et votre niveau de bactéries buccales. Donc ça a l'air un peu étrange, mais quand même, les bactéries sont comment ce qui fait que ta bouche sent mauvais. Ben oui. Donc pour l'utiliser, tu vas passer le Breathometer Mint dans ta bouche. Ça va prendre un échantillon de ton odeur buccale et ça va donner un résultat basé sur l'état de ta bouche en quelques secondes. C'est présentement en train de ramasser de l'argent. On demande un minimum de 90$ pour avoir votre propre machine et c'est 110$ canadiens environ. C'est un genre de petit, c'est comme une petite pastille. Je dirais en forme de rond avec un petit côté qui dépasse. Puis c'est super cute. Ben oui. Puis c'est vert. Ben oui. Comme une menthe. C'est un beau vert. Un beau vert, menthe. Ensuite, l'été va arriver un jour, éventuellement le printemps va commencer. On va y aller une chose à la fois. Ça. Et peut-être ça va peut-être vous donner l'envie de faire des petits feux de camp. Ouais, des feux de joie. Des feux de joie, comme on appelle, pour passer de bons moments avec de bons gens. Donc, pour créer votre environnement, peut-être que vous n'avez pas l'équipement qu'il vous faut. Peut-être que n'avez-vous pas les roches et les affaires pour être protégé en ville, comme à Trois-Rivières, pour faire un feu. Peut-être que c'est dangereux. Donc, ici, c'est un feu de camp dans une canisse. Genre, ils appellent ça The Amazing Campfire in a Can. Hein? Donc, que ce soit un feu au propane ou au bois, c'est un genre de gros baril portatif et très, très durable pour 144$. Et c'est toutes les affaires de sécurité, tout ça est inclus là-dedans, donc c'est supposé être parfaitement sécuritaire. J'allais demander, mais c'est quoi qu'il y a de différent avec ce qui existe déjà? C'est que celui-là, tu peux le transporter, c'est cool. C'est portatif, il y a des trous sur les côtés pour vraiment facilement le soulever et l'emporter. Et tu vois qu'ici, ils ont mis du bois à l'intérieur, donc c'est quand même bien fait. Et il y a un couvercle qu'on peut facilement enlever, mettre à côté, peut-être s'en servir comme table. Le petit couvercle pourrait servir de table pour peut-être mettre vos saucisses puis vos bâtons pour pouvoir vous faire des petites saucisses sur le feu. Des guimauves. Des s'mores. On s'entend que c'est une bonne soirée, c'est quand t'as des saucisses puis des s'mores. Ah ouais. Ensuite, c'est une. En fait, des bandes de lumière LED RGB et autres synonymes d'acronymes. RGB, c'est rouge, vert et bleu. Et puis LED, c'est des diodes électroluminescentes, les petites lumières qui prennent beaucoup moins d'électricité. Donc, les bandes de lumière RGB LED flexibles, c'est à la mode en ce moment. Souvent, ça va être une rangée de lumière LED qu'on va accrocher à quelque part. On a parlé dans une chronique récente de mettre ça en dessous de son lit pour éclairer en dessous. On avait un gadget de ça. En dessous de son lit pour éclairer en dessous. Pas mal, ça veut pas mal tout dire. Mais Adafruit nous envoie l'idée d'un Flexible NeoPixel RGB LED Matrix avec 250 lumières LED qui sont arrangées en 8x32, donc 8 de haut par 32 de large, épais et flexible avec un truc en arrière de PCB. Ça, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Je sais c'est quoi LED puis RGB, mais PCB, je le sais pas. PCB. Je cherchais ça, hein? Ça nous donne. C'est de la. Ah, ben bien sûr. Ben franchement, comment ne pas savoir que c'est du polychloribinéphile? C'est pas du BPC? C'est ça. Des bobettes pognées dans la. Des bobettes pognées dans la. J'avais jamais entendu ça, là. T'as jamais entendu ça? J'ai jamais entendu ça. Hey, on disait ça, je pense, tu sais, genre fin primaire, début secondaire, j'ai BPC. Oh, wow! Pour dire subtilement que t'as. Je suis allé directement au cégep. c'est polychlorobiphényle PCB, aussi appelé biphényle polychloré, ou encore des pyralènes. Bien sûr, un produit de Monsanto à base de PCB. Mais si tu veux pas avoir la pyralène, t'as juste à acheter le truc pour les odeurs buccales, je savais. C'est très drôle, ça, Steph. Donc, c'est ça, il y a un arrière de PCB pour pouvoir l'envelopper courbé sur des surfaces, donc courbé. Vous pouvez voir une petite démonstration que c'est fait pour être plié, mais pas de façon répétitive ou à des angles extrêmes. C'est fait pour contourner quelque chose. Onduler. Ouais, peut-être le fixer sur quelque chose qui va être courbé et le coller là pour faire passer des messages, peut-être, tu sais, comme on voit dans les enseignes de magasins où il y a des messages qui passent. Vous pourriez programmer ces lumières-là pour faire ça. Ah ouais? Oui. C'est ça, la petite démo sur assemblagerequis.com et vous pouvez aller sur la boutique de Adafruit pour commander votre Flexible 8x32 NeoPixel RGB LED Matrix pour 140$ américains. C'est sûr que c'est un peu cher, c'est 174$ canadiens, mais c'est des lumières programmables, donc c'est cool. C'est très cher, mais c'est cool, effectivement. On dirait un peu un clavier mou. Genre un clavier mou. Tu sais, ça pourrait être écrit dans l'avant du studio, genre rock classique vendredi 11h, mettons. Clavier mou. Ça fait là-bas. Ensuite, c'est. Attends, c'est quoi le nom du produit? Bref, on s'en fout. Mais c'est un sac d'herbe à chat. Original. Là, ça a l'air super original. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? C'est 20$ environ. C'est le Catnip Cave. C'est un sac de papier. Okay, donc on sait déjà que les chats aiment les sacs de papier, c'est rien de nouveau. Ben oui. Un sac de papier qui crinkle, qui fait du bruit quand tu te bouges, comme les meilleurs sacs font, et qui a de l'herbe à chat dedans. Donc c'est comme une infusion d'herbe à chat. C'est pas juste qu'il y a de l'herbe à chat dedans, mais c'est une infusion à travers D'accord. le sac. Le sac au complet contient de l'herbe à chat. C'est supposé durer environ 6 semaines. En tout cas, l'odeur va durer 6 semaines. Et on vend ça pour 6$ chez ThinGeek. ThinGeek est un site de choses geek, mais qui de plus en plus vend des affaires de plus en plus mainstream, je te dirais. Mais pour les chats, c'est geek. Pour les chats, c'est geek. Ah, que c'est sage comme parole. Donc, l'interactivité du chat envers le sac va relâcher de l'odeur d'herbe à chat. Et il y a une nanotechnologie, c'est là-dessus qui rend ça geek. Ouh. De la nanotechnologie pour l'odeur de longue durée. Et c'est vraiment pas cher, 6$ sur ThinGeek, sauf qu'il faut dépasser... pas mal un gros montant pour. Je pense qu'il n'y a même pas de shipping gratuit au Canada. Hein? C'est sûr, non, il n'y a pas de shipping gratuit, c'est au poids. C'est ça. Fait que t'as beau rajouter autant de trucs que tu veux, le shipping va augmenter avec le poids. C'est super, mais c'est un bon site pareil. Et la plupart des gadgets vraiment cool sont sur ce site-là. Fait que des fois, une fois par année, là, t'as envie de. Ensuite. Le sac qui est cute, c'est écrit purr, purr, purr dessus. Purr, purr, purr. Purr, purr, purr. Purr, purr. Alors, ça, c'est un skate électrique. Qui va faire 24 000 ou encore 38,6 km de distance par charge. C'est le Z-Board 2 Electric Skateboard. Le Z-Board d'origine originale est arrivé en 2012. Et là, on a une version évoluée encore meilleure. C'est le Z-Board 2 Blue et le Z-Board 2 Pearl. Le Pearl est plus hot. Ben, moi j'aurais dit que le bleu... Non, mais je parle en look ou en... En range. Ok, ouais. Mais il est plus pesé. Ben, 2 livres de plus, donc 16 livres contre 18, et il fait 24 miles. Donc ça, c'est le 38,6 km versus seulement 16 miles. C'est pas tant que ça. Donc 16 000. Et puis, c'est ça, les autres détails, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Les deux ont une vitesse maximale de 20 000 à l'heure, ça c'est 32,2 km/h. Et ça utilise des moteurs 500 watts brushless, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Sans brosse. Ça veut dire que tu peux pas le prendre quand t'es sous l'influence de la gueule. Impossible. Ensuite, tu connais la compagnie d'outils Leatherman? Oh oui, l'homme cuir. L'homme cuir, bien sûr. Qui met maintenant un outil... C'est pas le frère Éric Lapointe, ça? Ouais, non, c'est le cousin de David Letterman et d'Éric Lapointe en même temps. Petit cuir, puis l'animateur de talk show, qui prend sa retraite. Donc, bref, un multi-outil Letterman, mais qu'on met autour de son poignet. Quand même intéressant, c'est un multi-outil, donc qui serait parfait pour les gens qui ne veulent pas traîner quelque chose sur leur ceinture, mais qui ont besoin d'outils en permanence. Pour les mâles. Les mâles virils. Tout sauf moi, finalement. C'est le Letterman Tread. Oui, Tread, pas de H. Qui est un outil portatif. Soit en bracelet ou en version... En fait, ça dit soit en bracelet ou en watch band. Watch band, c'est un bracelet de montre. Ouais, donc, ça veut dire... En bracelet ou en bracelet, je comprends pas. Ben non, mais c'est parce qu'il y en a un, tu peux mettre une montre puis l'autre pas. Ah, doit être ça, peut-être. Il précise. Peut-être. J'imagine. Donc, le bracelet a 25 outils inclus, dont tournevis, box wrench, ouvre-bouteille, cutting hook. Aucune idée. Ah, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, disponible en bracelet de montre. La photo était plus bas dans l'article, il fallait juste s'y rendre. Voilà, donc je trouve ça beau, vraiment très très beau pour la montre, mais pour le bracelet, je sais pas, ça fait trop trop outil. Ça veut dire que ça paraît moins que tu portes des outils quand tu portes la montre avec. Ben, le but, c'est pas nécessairement que ça paraisse non plus. Non, c'est ça. Mais j'imagine que t'as moins d'outils s'il y a de la place pour la montre. Probablement. Le prix entre 150 et 200$, on sait pas encore pour l'instant. Et ça inclura certainement pas la montre pour la version bracelet de montre. Non, sûrement pas. Certainement pas. Donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Je trouve ça vraiment beau pour vrai. Ouais. J'aime vraiment ça. Ouais. C'est le genre de choses que ça me dérangerait pas du tout de porter. Là. Je trouve ça beau. Mais tu t'en servirais pas. Jamais. Ensuite, c'est. Oh, mettons que vous vous sentez romantique. Ouais. C'est peu importe l'occasion, là. Vous sentez romantique et vous avez envie de donner quelque chose de romantique à votre copain-copine. Hein? C'est le Bundle of Love. On a parlé dans une précédente chronique de ça existe, de la Loot Crate. On l'a déballé en ondes et tout ça, là. C'était bien le fun. C'est un peu le même genre, mais c'est une boîte d'amour. Ah! Hein? Si, c'est un petit peu. C'est comme un mélange entre une boîte quétaine romantique et une boîte geeky, un peu. Parce que c'est des affaires romantiques geek. Ok. Ça devient cool. Ça peut être intéressant, là. Ça vient de monter d'un cran dans ton estime, j'en suis certain. Wow, oui. Donc, par exemple, tu peux avoir la Pixel Heart Heat Changing Mug, une tasse avec un cœur pixelisé dessus. Et dépendant de la température de ton café, le cœur devient rouge. Il devient noir quand c'est chaud. Tu sais, plus ton café descend, plus le cœur se vide. C'est un peu comme les canettes de Coors Light, genre. C'est vraiment cool. T'as les plush unicorn slippers, c'est des sandales de peluche avec une licorne. Des pantoufles, mettons. Qu'est-ce que j'ai dit? Des sandales. Ah, t'as raison, des pantoufles, t'as raison. Ben, c'est des sandales, mais en minou. Ben ouais, c'est ça, t'as tout à fait raison. C'est, ouais. T'as la rose 8-bit aussi. Cadeau parfait pour votre princesse, joueuse numéro 2. Ben oui, toute femme veut se faire offrir 8 bits. Oui, vraiment. Et pixelisé en plus avec des escaliers. Tu veux une bite pixelisée. Oh boy. Et finalement, le Magical Unicorn Bag, c'est une sacoche avec une licorne dessus. Donc ça, c'est quétaine. Vraiment. ThinkGeek vend tous ces articles-là séparément. Ça vous coûterait au-dessus de $75 plus le shipping. Mais la Box of Wolf pour $50. Voilà. Bon, c'est cool. Oui, je trouve ça cool. Ouais. Ensuite, on revient aux montres. C'est une montre briquet. Ah. Tu sais, mélanger deux affaires ensemble, ça a toujours été parfaitement acceptable, je pense. Donc, c'est un genre de briquet à la James Bond, un peu dans une montre. C'est super simple. C'est une montre quand même à la mode. Jolie. T'aurais pas honte de porter ça. Complètement fonctionnel. Une vraie montre, là. C'est pas juste de l'apparence, tout ça. C'est pas une attrape, là. C'est pas une attrape Nigo, là. Pour 8,60$ sur Amazon, c'est une montre cheap, on va se le dire. En dollars américains. une dizaine de dollars. 8,60$. Ouais, quoi. Mon Dieu, c'est pas. C'est vraiment cheap. Oh, ouais, c'est cheap. C'est vraiment une montre cheap. Mais pour avoir l'air de James Bond, évidemment, on nous conseille dans l'article de ne pas porter de manches longues avec cette montre. Ensuite. Hey, tu te grattes la tête, fou, la tête te part en feu. Tu connais l'instrument de musique Theremin? Oui, oui. Tu passes tes mains devant puis ça fait de la musique sans que tu aies touché à la machine. C'est le Moog Theremin, une Theremin accessible. Si vous avez déjà voulu jouer de cet instrument-là, qu'on connaît entre autres pour le générique d'ouverture de la version originale de Star Trek, uh-huh. Pour ceux qui cherchent un peu une image à avoir dans votre tête. Donc, Theremin moderne par Moog coûte environ $300 américains. Ça, c'est environ $375 canadiens. Et ça va vous aider à apprendre à jouer correctement. Et comme la version d'origine, on joue en plaçant les mains en proximité de l'antenne de l'instrument. Et cette version-là donne un feedback, un petit feedback en français, je sais même pas ce que c'est, mais un genre de note visuelle pour vous aider à vous assurer que vous placez votre main correctement pour faire les bonnes notes. Il y a aussi ce qu'on appelle Assistive Pitch Quantization, une façon fancy de dire que tu pourras pas faire de mauvaises notes. De la façon que ça va te dire, tu pourras pas faire de mauvaises notes. Donc, ça peut être ajusté basé sur votre niveau d'aptitude, votre capacité à jouer. C'est capable de jouer 32 sons différents, pas juste le son traditionnel dans l'espace, le petit genre de wah wah wah wah qu'on connaît tous, mais une variété de sons qui proviennent de la Theremin. J'imagine que c'est féminin. T'as pas un extrait de ça? Oui, probablement. Je serais curieuse d'entendre. Ouais, ça va être disponible chez Hamaker Schlemmer et chez ThinkGeek en ce moment même, cette Theremin de Moog. Et puis on peut voir des petites vidéos sur assemblagerequis.com. On va s'y rendre en ce moment tous ensemble parce que c'est tellement bien classé sur ce site-là que tu peux pas te tromper. Mais on s'entend, 300$, c'est pas si cher si tu considères que c'est un instrument de musique. Tu sais, va t'acheter un saxophone ou un piano, puis viens me dire le prix, voir. Ouais, puis attends pas qu'il aille le vendre chez Archambault, là, parce qu'ils vont te coûter, le double. Facile. C'est... Donc, on va écouter ça, le petit extrait ici. De ThinkGeek. Ah. Hey, c'est bon, hein? Ah, voilà. On dirait Super Mario Bros. 3. C'est vrai. Non, Super Mario World. Ouais, c'est ça. T'as un délai ajustable stéréo. T'as plein d'options qui s'affichent à l'écran. 32 presets. Et là, tout ce que le gars fait, c'est un mouvement de va-et-vient. Il fait pas de notes, il fait juste gauche-droite, gauche-droite. Une tonne de caractéristiques impressionnantes qui nous ont inspiré à vous faire un petit vidéoclip stupide et fou. Foufou. Donc, attention, vidéoclip. Je vous le décris en même temps. Drum Machine n'est pas inclus en passant. C'est quatre fois le même gars avec un chandail de Ghostbusters et une fille en haut à droite qui complète. « Ben, c'est beau, hein? Moi, j'haïs quasiment pas ça. Ah, c'est pas affreux, ça. C'est un petit son différent qu'on n'est pas trop habitué d'entendre. C'est ça. C'est original, ça. J'aime mieux ça que bien d'autres instruments originaux, ça. Ah, ben si, on peut parler par-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Continuons avec quelques petits derniers, il faudrait arrêter éventuellement, mais on a des jumelles, l'outil, pour voir de loin. Oh! Qui utilisent, ouais, ça m'a aussi déplu. Donc, un petit truc numérique à l'intérieur pour vous faire voir de plus près. Donc, vous regardez des oiseaux, ou que vous soyez un sniper, un tireur fou d'élite, vous avez besoin d'une paire de jumelles de qualité pour améliorer votre capacité visuelle. Et c'est les nouvelles jumelles de Ricoh, avec un paquet de caractéristiques pour pouvoir espionner vos voisins. Donc, c'est Ricoh Envy 10A Enhanced Binoculars qui utilise une technologie qui s'appelle Atmospheric Interference Reduction, la réduction d'interférence atmosphérique, pour éliminer l'interférence du brouillard, de la pluie, de la neige, qui normalement flouterait et dégraderait la qualité de l'image. Ah. Donc d'habitude t'aurais ça et là t'as pas ça. Ça s'appelle la. C'est ça. Tantôt il y avait NV10A, mais on parle aussi de pair, une caractéristique pair qui peut être allumée et éteinte par les boutons en bas de l'unité. Dans le fond, tu peux avec tes pouces ajuster les fonctionnalités spécifiques à ce modèle-là. J'étais tout à fait déconcentré. Ça paraît-tu? Pendant un bout de temps, j'étais comme complètement déconcentré par la musique. C'est perturbant. C'est trop bon. C'est pour ça que mes fonds sont pas aussi beatés que ça d'habitude. Regarde le fond que j'utilise en ce moment. Il y a rien de plus déconcentrant que ça. Mais bon. Il est très beaté. Il est très beaté. C'était sarcastique aussi. Donc, tout ça pour un grand prix quand même 4 200 $ américains ou 5 223 $ canadiens. Probablement pas pour quelqu'un qui regarde des oiseaux la fin de semaine juste pour s'amuser avec son petit neveu. C'est plus pour les gens sérieux. Les tireurs fous, c'est sûr qu'ils vont tout utiliser. Ah, clairement. Clairement. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On est rendu à la prochaine pause. Quand même, et après ça, on va se clencher un petit bloc pub. Qu'on appelle ça, c'est la chronique, le bloc pub. Après, hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, puis on va y aller très très vite parce qu'on n'aura pas énormément de temps. Mais c'est au retour de la pause à Assemblage Requis. Je vais passer plus de temps à ces gadgets, je trouve ça le fun. La pertinence, mais. Pas grave. Bah. Détail. Fou de rock. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Toujours à Assemblage Requis, ce jeudi, 5 mars 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Pendant la pause, évidemment, on écoutait chacune des pauses avec attention, mais aussi, on a jasé un peu de boîte vocale. C'est drôle parce que, tu sais, chaque fois que je prends mes messages, qui arrive une fois par mois, parce que j'ai jamais de message, parce que personne ne m'appelle, parce qu'on est en 2015, mais je compose, c'est « Veuillez entrer votre mot de passe. Merci d'avoir appelé. Au revoir. » Pourquoi tu fais tes phrases sur un aigu, madame? Moi, je considère que c'est Virgin, la paix. Quand j'ai essayé de configurer ma boîte vocale, je m'en foutais de ma boîte vocale jusqu'à ce que ma belle-mère me laisse un message sans que je sache que j'ai une boîte vocale. Puis j'ai été obligée de la configurer pour écouter son message. Ça m'est déjà arrivé, ça. Parce qu'elle m'a appelé. Hey! Tu prends pas de message? Je t'ai laissé un message, je vais l'écouter. Ah, oh, fuck. Fait que, tu sais, la fille, c'est Virgin, fait qu'elle te parle comme si t'avais 12 ans, 4 ans et demi. Parce que la plupart des gens qui sont avec Virgin ont 12 mais ans. Mais à chaque fois que tu réussis une étape, c'est OK! OK! Oh mon Dieu, arrête ça. Beaucoup trop d'enthousiasme, là, je veux dire. En tout cas. OK! OK! Pèse plus fort sur le bouton. Plus fort. Non, c'est pas cette intonation-là. C'est vraiment OK! Trop heureux, on dirait genre un petit manga... japonais, ouais. Ben, manga japonais, ouais. Ben, ouais. C'est un peu redondant. C'est un peu répétitif. C'est un peu de temps de m'offrir. Ce qui est pas répétitif, redondant, est toujours la même affaire, Steph. Hein, ça, c'est un lien là, vraiment apte et approprié. C'est de parler de publicité. Voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime Marine Land. Ah, ah. Je préfère le Good Burger King. Tout va bien, va bien, va bien. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. Ah, c'est tellement fantastique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette intro-là. Ouh. Et je me suis réservé la plus petite case horaire possible pour faire cette chronique-là qui accumule des liens depuis 3 mois. Donc on va se faire un petit... pardon. Oh non, pas celle-là aussi. J'ai de la corruption de fichiers dans mes affaires, Steph, sur ma clé USB. Tu sais les numéros du palmarès, là? Ouais. Wow. Mettons 11. Ils ont fusionné. Ils ont fusionné avec des tunes de CNX, la chronique la plus geek de la radio. Fait que ça fait genre... 11! Hdot.com. C'est bizarre, mais hein? Je savais même pas que ça se pouvait. Mais moi non plus. Et là, le fond de cette chronique-ci a un petit extrait quelque part dedans. Fait que à chaque minute, vous allez avoir un petit... Ah, c'est donc bien le fun. Faut que je récupère mes fichiers d'ailleurs, mais c'est juste une anecdote comme ça, mais je trouvais ça... Mais ça, je savais pas du tout que ça... C'est la raison même de faire éjecter en mode sécuritaire la clé USB. C'est la raison de faire ça. Sinon, voilà. Ça donne ça. Apprenez ça, les amis à la maison, là, qui faites n'importe quoi. Faites comme si c'était dans les instructions d'assemblage qu'on vous avait dit ça tantôt. Donc, le blog pub, c'est la chronique où on parle de marketing. Que ce soit à la télé, à la radio, dans les journaux, dans les magazines, sur des panneaux publicitaires. J'ai pas fait de chronique depuis le Super Bowl. Pardon, même que j'ai volontairement pas fait cette collecte dans le coin du Super Bowl parce que je voulais pas parler de Super Bowl parce que tout le monde parlait du Super Bowl, tu comprends? Ouais. Je suis le même, moi je veux pas faire les affaires que tout le monde fait la plupart du temps. Mais une référence du Super Bowl qui me reste, c'est Dish Network, je trouvais ça vraiment intéressant, qui vous offrait l'inverse de ce qu'il offre d'habitude. Tu sais, Dish et d'autres compagnies aux États-Unis vont vous permettre de sauter les pubs facilement. Ça détecte les pubs, ça enregistre les émissions en prime time et ça saute les pubs pour vous. Donc c'est super, super simple comme technologie. C'est super compliqué, mais simple pour le public. L'utilisateur. Ouais. Là, c'est le contraire. Donc Dish Network vire à l'envers sa technologie de sautage de publicité pour le Super Bowl. À la place de sauter les publicités, AutoHop va permettre aux clients, aux consommateurs, de sauter la partie de football, a permis évidemment au passé, okay. Et regarder seulement les pubs. Ça s'appelle Reverse AutoHop. Ah ben coup d'or. Ça empêche d'avoir à fast-forwarder à travers la partie de football le lendemain, bien sûr, parce que les personnes vont écouter ça live pour regarder les publicités qui reçoivent le plus de buzz. Évidemment, bon, YouTube.com, genre barre oblique, je sais pas quoi, je pense que c'était Super Bowl pour avoir les pubs aussi. Là. Fait que rien de bien compliqué d'habitude pour trouver les pubs du Super Bowl, mais comme façon de faire, je trouvais ça quand même pertinent. T'sais. Reverse AutoHop qui était disponible à partir du lendemain du Super Bowl pour sauter la partie. Ah! Et voilà. Et c'est tout le temps un extrait de Slash Dot Dash de CNX. Tout le temps la même chanson qui est samplée dans chacun de mes fichiers MP3. C'était celle-là le problème, je pense. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ensuite, Forbes, qui commence à mettre des publicités sur la couverture de son magazine. Tu sais, les journaux ont toujours eu des publicités sur leur couverture, en tout cas, la plupart des journaux. Il y a même... est-ce que t'as entendu parler qu'un journal... et là, j'ai pas la référence parce que ça me sort de la tête drette là. Mais il y a un journal étudiant... je crois que c'est à l'UQAM ou à l'Université de Montréal, bref, qui ses publicités sur la une du journal étudiant, un peu comme le Zone Campus, mais dans le même format, c'est ça. Mais les publicités sur la couverture sont obligatoirement noir et blanc. Ah! Pour focusser sur la une et non pas sur les pubs. Ils vendent des pubs sur leur une, mais obligatoirement noir et blanc. Je trouve ça vraiment brillant. Ben, c'est cool, ouais. C'est brillant. Mais bref, un magazine, on n'est pas habitué à avoir des publicités sur les couvertures de magazines. C'est un tabou parce que les magazines sont payants, tu les achètes. Donc la publicité est dans le magazine. La couverture est faite pour te vendre le magazine en tant que tel. Bref, donc ce tabou-là change dorénavant. C'est une publicité native pour Fidelity qui apparaît sur la couverture du plus récent numéro de Forbes qui était en magasin depuis quelques temps. Donc la couverture est sur la couverture. C'est un article de Fidelity qui est dans le magazine, tu comprends? Ah. C'est un article publicitaire, un publi-reportage. Sauf que la mention du publi-reportage est sur la couverture et te dit d'aller lire le publi-reportage. On mélange deux bizarre, domaines. On mélange l'éditorial et le publicitaire marketing. Uh-huh. Donc, c'est parmi les premières publications Forbes à permettre la publicité native, donc embeddée, intégrée, imbriquée, une tactique qu'on ne voit jamais dans les magazines. Donc, c'est nouveau et ça va évidemment créer un précédent dans le futur. C'est sûr. Il y a des détails sur le reportage dans l'article sur assemblagerequis.com. Publicis Montréal a conçu une campagne pour la marque Chrysler. 3 exécutions qui mettent de l'avant des paysages vus à travers un cadre évoquant le pare-brise d'une Jeep. Donc stratégiquement, ils voulaient communiquer la véritable compétence tout-terrain qu'offre la gamme de véhicules Chrysler. Hein. Donc Jeep redéfinit ce que signifie explorer, nous dit Publicis Montréal avec leur bullshit de marketing. Donc l'offensive se décline. Boum! Sursaut, c'est pour te réveiller le matin. Boum! Hein? Donc, l'offensive se décline dans les journaux, en affichage et en publicité au lieu de vente. Donc, c'est un cadre, comme dans un musée, avec le mot Jeep écrit en dessous. Et le cadre comprend de beaux paysages, comme si ça avait été photographié par un professionnel, ce qui est le cas, là. Mais comme si dans un musée, tu allais voir des photos de paysages. Et sur les côtés du cadre, tu as deux miroirs, un peu comme sur une Jeep. C'est une bonne idée. C'est simple, t'as pas eu à aller chercher trop loin et c'est efficace quand même. Ouais. Parce que tu vois des montagnes, tu vois un désert, tu vois des une montagne de neige, une montagne de gazon. Ça fait rêver, je crois rêver. Thérapie de couple maintenant avec les émoticônes IKEA. Peut-être avez-vous vu passer ça. Sinon, je vous en parle. Le détaillant suédois lance sa propre application d'émoticônes. Dans quel but? C'est de permettre au couple d'enfin communiquer sans difficulté. Selon IKEA, l'homme et la femme connaissent des difficultés de communication depuis la nuit des temps. La situation est d'autant plus flagrante quand il s'agit de faire le ménage ou d'acheter un meuble. Pour contrer ces problèmes, le détaillant lance sa propre application Emoji qui s'appelle IKEA Emoticons. Le clavier virtuel proposé par l'application contient différents dessins qui rappellent l'univers de la marque suédoise. On y retrouve par exemple des meubles, des boulettes de viande ou une glace italienne, une crème glacée. L'agence néerlandaise Lems a réalisé une petite vidéo de promotion de l'application, le tout sur un ton décalé. Donc on peut voir la vidéo sur assemblagerequis.com. On pourrait s'envoyer une lampe, un lit. Je sais pas si tu pourrais peut-être... C'est bizarre. ...te faire une liste de commissions. J'imagine avec ça. Il y a plein d'applications potentielles. C'est sans fin, Steph. Sans fin. Je me demandais si ça valait la peine qu'on écoute la petite publicité. Peut-être. Si on n'a pas tant de temps que ça pour cette chronique-là, j'ai pas envie de toutes les regarder, mais celle-là pourrait être pertinente. Bah ouais. Écoutons IKEA qui présente les iMarticons. Donc on voit des hommes des cavernes, hommes et femmes des cavernes. Depuis le début des temps, manque de communication, chicane. Là, on voit les Amérindiens se chicaner, se lancer des choses à travers leur tipi. L'époque médiévale, où on voit une femme et un homme se battre à couteau. Bref, on représente la nuit des temps, je pense. Vraiment, un homme d'affaires qui sort de la maison. Et là, on voit un monsieur en sarrau. Pour qu'il ait l'air pertinent. Ben voilà. IKEA présente IKEA Emoticons. Il y a un accent, Il y a un petit accent. Donc les émoticônes sortent du téléphone. Une série d'émoticônes pour enlever les malentendus dans votre communication. Here's how it works without Voici IKEA comment ça fonctionne sans IKEA Emoticons. Et là, le couple se chicane par rapport à un coussin chez IKEA, j'imagine. Et voici comment ça fonctionne avec IKEA Emoticon. Donc, le gars est assis, il lui envoie des messages par téléphone. La fille fait « Ah ah ah, il est tellement drôle, tellement beau, tellement fun. » Et le gars, je t'aime, il envoie un petit cœur. Et sans ça, ben là, ils sont sur le divan en train de pas se parler. Et avec, ben, ils sont tous heureux, couchés par terre. Exprimez-vous librement. Et ça envoie des bobettes en passant. Right, vos questions et vos réponses seront comprises immédiatement. Et tout le monde s'embrasse. Go to IKEA. Visitez ikea.nl/emoticons. Fait que bref, quand t'es dans la même pièce pis que t'es avec l'autre personne, tu peux pas bien t'entendre. Et voilà. Bref, c'est un clavier pour iPhone, donc appareil iOS. Mais c'était clairement iPhone dans la pub. C'était clairement iPhone, donc c'était cool. Puis là, le gars, il enlève son sarrau. Puis il dit quoi? Le gars, il enlève son sarrau puis il dit « Non, je vais pas nettoyer la salle de bain encore une fois aujourd'hui. Je m'en vais. » La finale est cocasse. Quand même belle fin. OK, bon, vidéo qui recommence, tu sais, ça va faire. Donc, c'est IKEA Emoticon. Toujours dans le sujet des émoticons, Coca-Cola qui se met aux émojis. Évidemment, le mot « émoji » est rendu plus utilisé que le mot « émoticon ». Pas par moi. Non, pour les... vieille école. C'est ça, ben moi aussi, mais c'est tellement à la mode, c'est les jeunes, c'est ça. Ils sont tellement Teflon et autres mots. Donc, Coca-Cola Porto Rico qui mise sur les emojis pour répandre le bonheur en ligne. La popularité du clavier emoji ne se dément pas et ce n'était qu'une question de temps avant qu'une marque mise sur ce dernier dans une campagne. Coca-Cola Porto Rico se prête au jeu en enregistrant des noms de domaines en utilisant chaque emoji qui connote le bonheur. Oh, as-tu vu c'est quoi le nom en anglais? C'est les emoticoke. Oh wow, j'avais pas vu ça, non, cute. J'avais pas vu, c'est parfait ça. Donc les adresses qui mènent l'internaute à un micro-site de Coca-Cola sur lequel les adeptes de la marque peuvent participer à un concours pour tenter de gagner leur propre adresse web emoji. Donc c'est ça, c'est exprimé différemment dans différentes langues, mais les émoticônes restent partout pareil pour le bonheur. Et donc Coca-Cola a acheté par exemple Petit Bonhomme Sourire .ws. Petit Bonhomme Sourire avec une langue qui sort .ws. Ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Toujours au sujet de Coke, la bouteille de Coca-Cola a 100 ans cette année. Oui, et pour célébrer le 100e anniversaire de sa célèbre bouteille, Coca-Cola a déployé dans plus de 100 pays une campagne axée sur les icônes. Et là, je parle pas d'émoticônes. La bouteille a été créée par la société Root Glass Company 30 ans après le lancement initial de la boisson en 1886. Coca-Cola désirait un contenant qui demeure identifiable même s'il est brisé sur le sol ou lorsqu'on le touche dans le noir. Plusieurs agences participent à l'offensive, dont Sidley, Whedon and Kennedy Portland, McCann Madrid et Ogilvy Paris. Le volet imprimé mettra en vedette des personnalités qui ont touché la bouteille, comme Elvis Presley et Marilyn Monroe. Donc on les voit en train de boire en noir et blanc pour Marilyn Monroe. Et Coca-Cola, c'est marqué en haut du logo « I've kissed Marilyn, j'ai embrassé Marilyn oh. ». Ce qui est quand même un bon concept, j'ai embrassé cette c'est bouteille. C'est très très cool. Ça me surprend que ça n'avait pas été fait avant, mais je trouve ça très très bien. On va écouter un petit extrait, tiens... Il y a un vidéoclip, là, je pense qu'on n'écoutera pas le vidéoclip, mais la publicité Taste de Coca-Cola. On voit une bouteille en pose sexy avec les bulles sur tous les côtés. On l'ouvre avec une nouvelle bouteille, on verse dans un... C'est tout ce qu'il y a de plus séduisant, là. Le verre est versé, les bulles frétillent sur le dessus du verre. C'est séduisant parce qu'il n'y a personne qui rote dans l'annonce ces bulles. Et là, on réalise qu'on est dans un restaurant et la fille vole le verre du gars qui vient de se verser. Merci, je suis rafraîchie. Irrésistible depuis plus de 100 ans, nous célébrons le 100e anniversaire de la bouteille de Coke. Ouais, c'est ça. Ça veut tout dire quand même. C'était très sexy, vraiment. La pose de la bouteille, là, ça donne envie d'en boire un genre... on est dans une thématique Coca-Cola, je les ai mis ensemble pour fitter avec les uns les autres, mais dans des tweets automatisés qui ont repris certaines lignes du tristement célèbre Mein Kampf d'Adolf Hitler. Des tweets qui étaient préprogrammés dans le cadre de la campagne hashtag Make It Happy, lancée lors du Super Bowl. Elle propose aux internautes de répondre positivement aux tweets négatifs circulant sur les médias sociaux à l'aide du hashtag. Ces publications étaient ensuite transformées en dessins à l'aide du code de lettrage ASCII, donc des caractères texte. Accompagné de la ligne, nous avons transformé la haine que vous avez trouvée en quelque chose d'heureux. Donc c'était ce qu'il voulait faire, prendre quelque chose de négatif et le rendre heureux. Un dessin représentant un mignon petit chien composé d'une phrase de chair aux suprématistes blancs inspirée du texte d'Hitler. C'est néanmoins faux filé parmi les tweets officiels de l'opération. C'est un beau petit chien genre en ballon, tu sais. Ouais. Mais les phrases du texte étaient le Mein Kampf. Donc Gawker a été le premier site à remarquer la bévue, la gaffe. C'est ensuite fait retweeter par Coke avec un Twitter bot au nom de Me in Coke. des passages provenant de l'essai d'Hitler afin de les voir transformer en art, ce que la compagnie donc a réussi à faire. Il va sans dire que Coke a dû suspendre son offensive de marketing. Petite gaffe, quand tu fais des affaires automatisées comme ça, faut que t'aies un humain qui approuve tout. Oui. T'as pas le choix d'avoir un humain. Les humains, là, c'est là pour rester à date. On était dans le cola brun, on va y rester, mais on va changer, non pas pour Coke, mais pour une nouvelle boisson brune montréalaise, Steph. Okay. Did you know about that? No. Une campagne au goût de Montréal pour 1642 cola, nouvelle boisson montréalaise qui prétend incarner l'esprit de la ville dans une publicité nommée, signée Magma Design. Destinée au web, la vidéo présente un individu prêt à repousser les limites pour trouver une saveur représentative de Montréal. Finalement, une bouteille de 1642 cola répondra à ses attentes. Une nouvelle boisson fabriquée avec 95% d'ingrédients québécois. Bastien Poulain, fondateur de 1642 cola, explique à vouloir créer une expérience gustative incarnant l'esprit et la saveur de Montréal. Non, tu veux juste créer un Coke montréalais. Ça ne goûtera pas Montréal. Arrête de bullshiter du marketing, c'est le même. Tu peux t'assumer là-dedans. Donc, qu'il soit produit localement signifie qu'il est meilleur pour l'environnement et notre économie. Ça, on peut pas le nier. Et on va aller entendre et regarder ensemble la campagne au goût de Montréal. Moi, il goûte un con orange. Je suis pas sûr, moi, du nom du cola. 1642, c'est quoi? C'est l'année de la fondation de Montréal. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, le gars goûte à une rampe d'escalier dans un métro et goûte à des structures... Il liche. Le truc du musée des sciences, truc. Le pont, pont quelconque. Un taxi, un sans-abri. Un sans-abri. Un chien, bien sûr, la langue d'un chien. Une poutine, une grosse poutine vraiment bien grasse. Il dit ça marche pas. Les escaliers d'un édifice, un cône orange, ça va vraiment vite, là, je prends pas le temps de tout décrire. Hein. De la buée dans une fenêtre, une flaque dans un trou de nid de poule. Du papier de toilette dans une toilette publique, une perdrix qui est morte, genre, non, sérieux. Un pigeon, excuse-moi. Et là, il trouve un 1642 cola, il se met à le boire, ça goûte donc bien Montréal. Qu'est-ce qu'il dit? Excuse-moi, recule un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. OK. Et là, il lèche la bouteille, bien sûr, à la fin. Il lèche la bouteille. 1642 Cola, le goût de Montréal. The taste of Montreal. Ouh, monsieur FNC, toi. El fuego en. Il dit pas en espagnol. donc voilà, 1642 cours. Là, moi, j'avais pas entendu encore parler de ça. Donc. Ben non, je serais curieuse d'y goûter. Ben oui. Mais je suis pas sûre pour l'idée marketing. C'est un peu. Ben c'est trash. Mais ça c'est jeune. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on s'entend. Si ça goûte ce que le clochard goûtait. Ouais. Non, merci. Non, mais ça fait un peu les campagnes de slush, tu sais. Ouais. T'sais, fait que peut-être que les jeunes, genre, si ça joue à Vrak TV, ça va pogner, tu sais, peut-être. Je sais pas. Ouais. Maintenant, là, on est dans... Je le réalise que quelques nouvelles qui datent un peu. Celle-là, pas si pire, c'est des employés... envoyez votre pire employé au Lion de Cannes. La campagne officielle pour promouvoir les Lions de Cannes a été dévoilée récemment quand même. L'offensive humoristique signée McCann Long propose d'envoyer le pire employé d'une agence aux Lions de Cannes. Titulé « Investir dans la créativité, c'est moins cher qu'une prime de départ », comme dans « Renvoyer quelqu'un », tu sais. Donc l'opération présente les mauvais employés qui bénéficieraient de l'expérience cannoise. Donc on va encore une fois aller l'entendre. Il y en a qu'on n'a pas le même choix d'écouter, sinon on ne comprendra rien. Donc écoutons, c'est faux, c'est... Pas c'est faux, c'est mauvais employé qui irait à Cannes. Bridget. Account director. Directrice des comptes. Efficient with a capital E. Efficace avec un E majuscule. Breaker of creative spirit. Elle brise l'esprit créatif des autres. Achetez-lui une passe de délégué. C'est moins cher que de la renvoyer, les Lions de Cannes. Nisha, la stratégiste, tiens. Nisha. Strategist. Stratégiste. Has dedicated 7 loyal years to your agency. A dédié 7 années loyales à votre entreprise. With very little to show for it. Et très peu de preuves à l'appui. Achetez-lui une passe de délégué. C'est moins cher que de la renvoyer. Et là, on voit la personne tourner sur elle-même sur un fond très, très... soit pastel, soit fluorescent. En fait, c'est très coloré parce qu'il y a un très, très gros contraste avec leur vêtement. Parce que, disons, la fille apporte une chemise jaune, son arrière-plan est bleu, l'autre, un genre de chandail vert flash, et le fond est mauve flash un peu. Voilà, donc c'est quand même une bonne idée. Je sais pas si c'est efficace, mais quand même, c'est cocasse. C'est drôle. Oh, oui, c'est drôle. Petite dernière. Oubliez les sous-vêtements avec Cotonel. Dans une offensive signée Trisect, la marque de papier de toilette Cotonel encourage ses consommateurs à ne pas porter de sous-vêtements en osant. Ouais. Ben parce qu'ils sont tellement confortables, j'imagine, à cause de leur papier de toilette utilisé. Donc en osant, le Go Commando, les consommateurs seront en mesure, selon Cotonel, d'attester de la qualité du produit. La marque de Kleenex propose ainsi aux Américains de relever le défi et de la partager sur les réseaux sociaux. En enlevant leurs sous-vêtements, les participants remportent une pochette personnalisée Cotonel contenant un échantillon gratuit. L'offensive est composée de 2 messages télévisés et de pièces imprimées. Elle se poursuit sur les réseaux sociaux avec le hashtag GoCommando. Je pense qu'on va encore devoir écouter une petite publicité. On va terminer notre chronique là-dessus. Je suis pas sûr, le monsieur pas de bobette. De vouloir voir. Écoutons donc de Cotonel. Notre texture vous rend plus proche, mais est-ce que vous allez avoir assez confiance pour ne pas porter de sous-vêtements? Mais c'est quoi le rapport? Pas vraiment. Donc, des, c'est comme des ripples, un peu comme des ruffles. Des vagues qui vont vraiment rattraper tout. As-tu assez confiance pour ne pas porter de sous-vêtements? Demandait un monsieur. Sure. À la sortie de la toilette. Félicitations! Comment vous sentez-vous? Je me sens frais. Seulement Cotonel a une protection plus, plus propre, j'imagine. Donc vous allez pouvoir ne pas porter de sous-vêtements. Vous allez avoir la confiance. Dans le fond, ça te torche tellement bien que tu n'auras plus de traces de break dans tes culottes si tu y vas commando. Tu comprends ce qu'ils veulent dire? Genre? Mais je sais pas, j'ai pas de traces de break dans mes bobettes. Mais non, mais moi non plus, c'est ça. Cotonnet. Est-ce que t'as confiance assez pour le porter directement dans tes pantalons? C'est ça qu'ils veulent savoir. Parce qu'on s'entend que le but de la bobette, c'est pas d'absorber les restants. Non, c'est ça. C'est pas un encas, le genre. C'est ça même, c'est là. Ça. Voilà, il y a une autre publicité sur rassemblagerequis.com. Ça va être la fin pour ce merveilleux bloc pub. Abribu, il fallait un petit dernier slash dot dash pour compléter cette chronique-là, je pense. C'était nécessaire, t'sais. Ouais. Voilà, on fait le pub quand ça la donne, c'est-à-dire pas tellement souvent. Au retour de la pause, une poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. On va découvrir une nouveauté dans la discothèque de C'est fou. Restez là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mmh. Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées, jeudi le 5 mars 2015. Stéphanie Paradis, son nom? Ok, je pensais que moi c'était le 5 mars 2015, mon nom. Fou, j'étais toute mêlée. Elle toi, changerait à chaque plan. Jour, ce serait difficile, là. Ouais. Ouais. Bref, hein, on s'embêtera pas avec des histoires comme ça, là. Ça pourrait nous stresser pour rien, puis on a appris à se déstresser tantôt, t'sais. Appris. On a eu des trucs, mais on l'a peut-être pas appris. Non, ça veut pas dire qu'on retient les affaires qu'on dit dans les chroniques quand même. Ça nous amène à vraiment relaxer, prendre ce zen en découvrant de la musique. Voici le poste d'écoute. Le poste d'écoute! Est-ce que tu chantes un peu la chanson thème? Mais non, mais j'ai essayé de faire comme entre les pièces. Le là. Poste d'écoute. Piri. Ouais. Ouais, mais le poste d'écoute, 5 mars 2015. J'ai ma feuille qui est ouverte dans WordPad. Auteur Stéphanie Paradis. Paragraphe 1, alinéa. Tu sais, WordPad, là, parce qu'il n'y a pas Word. Là, tout non, il n'y a pas Word sur l'ordi en ce moment, ouais. Ben, c'est ça. C'est quoi ça, le poste d'écoute, Mathieu? Je sais pas, dis-moi en plus. Moi, là, je vais fouiller dans les nouveaux arrivages musicaux, bien entendu, de C'est fou, et je vous sors le meilleur. Ah! Hein? Tu fais comme de l'ébullition. Je décante oui. La discothèque. I décante, believe it. Donc aujourd'hui, je vous présente... en fait, si je ne me trompe pas, c'est bien dans le premier album de la formation Embassy Lights. Elle a des informations, toi, là. C'est bien mieux d'être vrai, ça. Ben oui. L'album s'appelle Embassy Lights. Hein? Oui. C'est original. Genre musical, je te dirais, c'est un blues et folk indie. Mais oui, puis non. On dirait que j'ai eu de la difficulté à arrêter sur un genre en particulier. Parce que c'est. Je te dirais que c'est très. Tu vas voir. OK. Fait que là, t'abandonnes, hein? Tu dis écoute-le, tu diras ce que c'est. Mais c'est parce que. Il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration autour de ça, des inspirations très différentes. Donc, je t'explique. Embassy Life, c'est un nouveau projet de collaboration de Wood Pigeon Marks Andrew Hamilton okay. aux côtés de ses camarades de Calgary, okay, donc Clinton St. John, Laura Leaf et Samantha Savage-Smith. Ah, qui est dans le palmarès anglophone oui, en ce moment. Oui, et que je vous ai présenté dans un précédent poste d'écoute. Oui, et Wood Pigeon, que tu as mentionné, qui est aussi un autre groupe qui a déjà été dans le palmarès. Ah oui! Voilà. Ah, intéressant. Donc, je trouve ça le fun. Hein? J'ai trouvé ça le fun d'être conséquente dans mes choix musicaux. Tout à fait. tous ces gens-là se sont jumelés avec les créateurs de musique, les musiciens. Oui. Les plus intrigants de Reykjavik. Donc, Benny Hemhem et Prince, mais tu sais, P-R-I-N-S. OK. Polo. OK. Mais ça, c'est des noms reykjavikiens. On dirait une boutique d'impression sur des t-shirts, là. Prince Polo. ouais, tenu par Poloud. Poloud, oh, c'est drôle. Donc, l'échange de talent entre ces 6 personnes de différents vécus et de personnalités distinctes a été rendu possible grâce à une retraite en résidence à Reykjavik, en Islande, puis par l'enregistrement au BAM Center for the Performing Arts. Cool. Donc, c'est vraiment très... c'est plein de mélanges différents de styles avec ouais. par autant la collaboration que par les endroits fréquentés pendant la création et l'enregistrement. Donc, je pense que ça amène quelque chose de vraiment intéressant. Et tout de suite, on va entendre une première pièce. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Et on s'en va entendre la pièce Cold Skin de Embassy Lights. Dans le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. poste d'écoute. De Embassy Lights. Et tout juste avant, dans le même bloc, c'était Cold Skin. Très bonne celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé, moi. Quand même, vraiment. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Quand tu m'as dit folk blues, j'étais comme, ah, sûrement j'aimerais pas ça, mais ben, c'était bon. C'est pour ça que quand j'ai dit folk blues, mais c'est pas vraiment les mots que j'aurais employés. Parce que c'est tellement vaste, je te dirais, comme style musical. As-tu vu, Steph, que c'est encore un autre CD qu'on a reçu de notre station sœur CJSW? Ben c'est oui. Les mêmes que les pom-pom. Les pom-pom? Les pom-pom. Les pom-pom. Et je crois Bigfoot, mais pas Bigfoot, le Brother Octopus, mais je suis pas certain de cela. Mais je suis pour les pom-pom. Des bonnes affaires. Ouais, vraiment. On peut les traciter. Embassy Light offre une liberté créative rarement trouvée dans un cadre traditionnel de groupe, avec des membres capables d'échanger des instruments et d'explorer sans les contraintes des rôles prédésignés. Donc, ces libertés créatives créent un résultat final spectaculaire qui brille à travers leur premier album éponyme. Embassy Lights vise à prouver que le langage de la musique est une... Excusez, la dernière phrase, je ne l'avais pas relue avant de la traduire dans Google Traduction. Ah, OK. Donc, oui, Embassy Lights vise à prouver que le langage musical peut être compris au niveau international. Ah, d'accord, d'accord. C'est très clair, là, c'est juste des petites erreurs. De mot à mot, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, l'album, on peut l'acheter seulement en version électronique, okay, ou en version molle. En vinyle, là. Ben non, mais... Sur disquette 5 pouces et quart. Je sais pas. Je suis pas assez vite, mais c'est des disques mous. Ouais, ça doit être des vinyles, ça, des disques mous, j'imagine. Mais pas. Je sais pas, c'était... Parce que nous, on a un disque solide, la pochette est molle... Mais le disque est solide, ça. C'est peut-être des vinyles, mais c'est, je pense c'est des petits vinyles format CD. En tout cas, allez voir sur Bandcamp. Ah, ça se peut, ça. J'imagine que ça se peut, ouais. Allez voir sur Bandcamp. Ouais. C'est cool. Très cool. Ouais, ça suggère ceux qui aiment Fleet Foxes et Broken Social Scene. Puis j'avoue que ça m'a fait penser un peu à Broken Social Scene à la fin. Voilà. Ouais, cool. Bon, c'est le fun. Ouais. T'as le temps d'une écoute d'autre. Ben, OK. Hey, on s'en va entendre Bucola. OK. Excuse, j'ai l'impression de Ricola. Là, c'est Bucola. Bon, il y a un petit peu d'abus de cola. Ah. Comme dans le bloc pub tantôt, on a parlé de cola pendant 10 minutes. C'est vrai. C'était but de cola. C'était de l'abus de cola. On a écouté ça dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Tellement. Ça, c'est fou. his quest, he hungers for your tender flesh. I'm a honey down, a wild track you down. Oh, who could love? Oh, who could love? Oh, I'm a honey down, a wild track you down. Oh, who could love? The Embassy Light, ouais, dans le poste d'écoute. Clap. C'est bon. Clap. Clap. On pourrait continuer longtemps à faire des claps, il reste encore 20 secondes sur la chanson, mais c'était... 20 secondes de clap. Ouais, 20 secondes de clap. C'était vraiment très bon, c'est Embassy Lights. Ouais, hein? Bon choix dans le poste d'écoute. Bon, ouais. Super. On fait le poste d'écoute les jeudis en fin d'émission. Stéphanie qui parcourt la grande discothèque sombre, ouais, de ces fous pour trouver quelque chose de bon. Plein de toiles d'araignée. Ah, c'est dégueulasse par là-dedans. Croquerelle. C'est pas vrai. On l'a déménagé depuis l'année passée puis c'est rendu super cute notre discothèque. Je tiens à préciser que je sais que c'est pas croquerelle. Croquerelle, non, je sais. Je vais juste le dire. Tu sais, crocodile puis Ouais, mettons. Puis c'est pas non plus, c'est pas les festivals, on le sait, mais on dit pareil, ça. Ah, des chandos. Hé, hey, mon Dieu, j'ai dit ça à une de mes amies. Chando, ça l'a déstabilisé. Ben, j'imagine. Elle est insultée. Les gens, tu sais. Les gens. Donc voilà, pour le poste d'écoute, les jeudis, enfin, l'émission à Assemblage Requis. Mais nous, on va déjà se terminer ça là-dessus. On se termine. On se termine l'émission là. On va se quitter avec une autre pièce du poste d'écoute dans, oui, quelques instants. On va le dire à toute fin, par contre. Pour l'instant, le temps de vous dire merci d'avoir été à l'écoute. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Merci, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. On va être de retour lundi avec la chronique Le Cours en passe d'Olivier Lessard. Et on va avoir aussi David Ferron avec les notes salées. C'est lundi entre 6h30 et 9h30. Il va y avoir du monde. Bon, on va être de retour de la semaine de relâche, donc j'espère que tout le monde va être de retour. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est le Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Créateur de son, la série documentaire. À 16h, c'est Palmarès du monde en direct avec David Ferron. À 17h, la rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 21h, Radio Sonic, l'émission de musique variée. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Tout y est. On se quitte avec une assez longue pièce pour faire la transition avec Génie en liberté. Donc une dernière pièce du poste d'écoute, Steph. Oui, on s'en va entendre de toujours de Embassy Light, Bad Weather. Et on se retrouve lundi matin. Bonne fin de semaine. Bye. Bye.